Bien, alors nous accueillons aujourd'hui Frédéric Lager, qui est affaire à l'Université de Nantes et qui a soutenu une thèse de doctorat sur la perception de la mer dans l'Europe du Nord-Ouest à la fin du Moyen-Âge et qui va nous parler aujourd'hui des relations entre l'homme et la mer du Moyen-Âge au temps moderne. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, j'ai choisi de vous parler de façon finalement assez générale des relations effectivement entre l'homme et la mer sur un temps qui est relativement long, comme vous allez pouvoir le constater, parce qu'il me semble qu'il est difficile finalement de penser la mer sans penser les relations que l'homme entretient avec elle. C'est-à-dire que comme tout événement naturel, on pourrait dire qu'elle constitue un environnement au sens propre, puisqu'elle entoure l'homme, elle fait partie de ce qui entoure l'homme. Ce qui montre là d'ailleurs un vieux reste des conceptions concentriques du monde qu'avaient les médiévaux, certains médiévaux, où l'homme est entouré des différents éléments de la nature. Alors pour aller un peu plus loin, on pourrait même dire, me semble-t-il encore une fois, que si la mer ne faisait pas partie, d'une manière ou d'une autre, du monde humain, elle n'aurait finalement même pas de nom. En un sens, la mer, je pense, n'existe que dans sa relation avec l'homme, et c'est pour ça qu'il me semble intéressant d'essayer de l'explorer aujourd'hui. Alors, à ce sujet, là, c'est plus en forme d'anecdote. Il y a une belle parabole, me semble-t-il, de ce thème-là, dans le livre de Stanislas Lem, Solaris. Il y a eu deux films qui ont été faits d'après ce livre. Et c'est le centre du roman, c'est une planète océan qui communique avec l'homme d'une manière quelque peu incompréhensible, mais qui n'existe que dans sa relation, qui ne se manifeste que dans cette relation à l'homme. Et cette idée d'une planète-océan me semble assez intéressante par rapport à ce que je vais pouvoir essayer d'en dire aujourd'hui. Bon, il faut commencer par voir que cette question des relations entre l'homme et la mer peut, d'un certain point de vue, paraître assez, même très contemporaine, dans la mesure où les problématiques, plus que maritimes, proprement littorales, sont vraiment contemporaines. Ne serait-ce que le simple fait que la plupart d'entre nous, au moins ceux qui ont la chance de partir en vacances, sont déjà allés au bord de la mer et ont pu constater qu'ils ne sont pas les seuls à avoir eu l'idée d'y aller au même moment. Cette fréquentation du tourisme de masse sur les littoraux induit évidemment un certain nombre de problèmes ou de problématiques, des problèmes d'ordre écologique plus ou moins aigus, qui touchent à la pollution, qui touchent au bétonnage des côtes, ce genre de choses, qui touche aussi au conflit d'usage. Le littoral et la mer sont aussi des zones où la législation s'exerce par le biais des eaux territoriales, la délimitation des zones de pêche, les problèmes liés à la ressource, bien entendu. On a aussi des navigateurs qui la sillonnent et qui s'y confrontent dans une quête de performance, la recherche d'une confrontation absolue avec soi. Donc c'est un espace qui n'est pas neutre, qui est soumis à beaucoup de problématiques contemporaines. Et là, il faudrait se demander si la mer a des qualités d'attirance intrinsèques ou pas. C'est-à-dire, en gros, pourquoi les plages, pourquoi les littoraux sont bétonnés et pas à la creuse, par exemple. Alors certes, il y a bien un phénomène maritime. Plus encore, il y a sans doute un phénomène littoral, mais c'est quelque chose qu'il faut replacer dans son historicité et dans le temps long. Parce que le bord de mer est bien une zone de rencontre, mais c'est une rencontre entre l'homme et la mer qui s'est faite de façon longue et qui s'est faite de façon souvent douloureuse. Parce que la mer, avant d'être un élément qu'on peut apprécier comme un paysage, c'est un élément qui a deux qualités principales pour les gens du Moyen-Âge et de l'époque moderne. Elle est dangereuse et elle est radicalement autre parce qu'elle n'est constituée que d'eau en mouvement. Ça, c'est le problème de base qui se pose principalement à l'époque médiévale. Ceci étant posé, il faut voir que l'étude de ce phénomène, de ces relations entre l'homme et la mer, sur cette période-là, doit rester attentive à la distinction entre, d'une part, la manière de voir des élites intellectuelles, qui, pour beaucoup, interprètent ce qu'ils voient, et ne connaissent pas nécessairement en plus la mer dont ils parlent. Et d'autre part, les pratiques des gens du bord de mer ou des gens de mer, qui eux par contre, à travers leur comportement, peuvent nous révéler la façon dont ils s'en accommodent, dont ils l'aperçoivent. Toutefois, on peut observer que même si on doit bien distinguer les deux, elles ont tendance à souvent se recouper. Donc il y aurait sans doute des fonds culturels, des présupposés culturels assez communs. Bon, pour terminer cette introduction, je préciserai juste que là, je vais parler de la fin du Moyen-Âge, qui est une période que je connais finalement assez bien, parce que j'ai fait ma thèse dessus, et de l'époque moderne, là, en suivant des auteurs comme Alain Corbin, principalement, parce que, d'une part, il y a un moment qui me semble assez important, à la toute fin du Moyen-Âge, qui est un moment de tournant, où on peut dire qu'on assiste à la fin de l'appropriation mentale de la mère, c'est-à-dire qu'on a commencé à l'utiliser et à en apprécier les qualités. En fait, on pourrait dire que c'est le moment des grandes découvertes. Mais c'est le fruit d'un processus assez long. Et puis, à la suite de cela, l'époque moderne constitue le prolongement de ce phénomène-là sur le plan maritime. Et c'est à cette époque, 18e, voire début du 19e siècle, qu'on assiste à une conception de la mer comme territoire et comme paysage, surtout. Ce qui, à ce moment-là, est vraiment une nouveauté. Donc c'est ce phénomène-là, placé dans le temps long, que je vais essayer de retracer. En me concentrant principalement, comme vous allez le constater, sur l'Atlantique et sur les mers septentrionales, qui sont celles que je connais le mieux, avec parfois quelques coups de projecteur sur la Méditerranée. Mais dans l'ensemble, ce sera plutôt nordique, on va dire. Atlantique et nordique. Alors, je vais explorer quatre angles. Le premier d'entre eux, vous allez le voir, va être le plus long. D'abord, la mer comme repoussoir, qui là concerne plutôt le début de la période. Ensuite, j'essaierai de voir la mer comme ressource, comme source de ressources, si j'ose dire. Et puis, les deux problèmes la plus modernes, que sont la conception de la mer comme territoire, la construction de la mer comme territoire, et la mer comme paysage. Donc ça va suivre un ordre qui sera plutôt chronologique. Alors, tout d'abord, la mer comme repoussoir, c'est le problème principal auquel on est confronté principalement au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge et au tout début, 16e siècle, au tout début de l'époque moderne. Parce qu'à cette époque, la mer a tendance plutôt à susciter le dégoût. Dégoût largement entretenu par les conceptions intellectuelles du temps. Puisqu'on, là, on va avoir surtout affaire à des conceptions, des conceptions, disons, cléricales ou de milieux culturels. Le premier problème, c'est tout simplement que la mer apparaît comme quelque chose de dangereux et dont il faut s'éloigner. Alors là, on pourrait citer évidemment énormément de proverbes anciens qui mettent cela en valeur. Alors il y a un dicton russe, puisque vous êtes là, vous allez pouvoir me confirmer, « Loue la mer assis sur le poil ». Ça ne vous dit rien ? « Loue la mer assis sur le poil ». Ça doit être vieux alors. Ça doit être assez ancien. Et puis il y a le fameux dicton danois qui est réutilisé par Sancho Panza dans Don Quichotte, qui ne sait pas prier doit aller en mer. Alors le proverbe danois dit cela, qui ne sait pas prier doit aller en mer, et se termine, qui ne sait pas dormir doit aller à l'église. Donc il y a une suite. Et puis les Hollandais encore qui nous disent que mieux vaut être sur la lande avec un vieux chariot que sur la mer avec un bateau neuf. On pourrait les multiplier à l'envi et constater que ce sont des dictons qui bien souvent viennent de nations qui sont maritimes ou dont on connaît la navigation. Le fond de ces vieilles réputations, évidemment, ça vient du fait que prendre la mer, ça expose au naufrage, à la perte de tous ses biens, à l'absence de sépulture et, moindre mal, au mal de mer. Et le mal de mer, je vais en parler dans quelques minutes. Et ainsi, on trouve, dans un certain nombre de romans médiévaux, une sorte de stéréotype de la tempête maritime qui se met en place. Là, je citerai Tristan et Iseut, donc pour ceux qui ont l'exemplier, c'est la première citation. Tristan et Iseut, qui est le roman le plus maritime du Moyen-Âge, à un moment où Tristan, blessé, gravement blessé, attend sur le rivage l'arrivée d'Iseut, la blonde, eh bien le texte nous dit... Le navire qui portait l'ami tant désiré approchait maintenant de la côte. L'étrave traçait sur les flots un allègre sillage quand une bourrasque s'éleva, prit le mât en vent debout et fit virer tout le vaisseau. Les matelots courent au lof, il emploie du vocabulaire maritime, hein, courent au lof, tournent la voile, mais vainement. Bon gré mal gré, ils dératent au large. Le vent fait rage, il soulève les vagues, la mer s'émeut jusqu'en ses profondeurs, le ciel s'assombrit et une brume épaisse s'étend sur les flots noirs. Il pleut et grêle, au ciel s'amassent les nuées, sur le bateau boulines et haubans se brisent avec fracas, on amène le mât et on avance en louvoyant avec le vent et la lame. Pendant 2 jours, l'orage et la tempête sévirent sur la mer. Le 3e, le vent s'apaisa et le beau temps revint. Dans cet extrait, on a tous les éléments du stéréotype littéraire de la tempête maritime. Alors, la tempête dure 3 jours, toujours. Elle apparaît toujours extrêmement brusquement. Les matelots apparaissent toujours comme totalement impuissants à faire quoi que ce soit. Les éléments sont plus ou moins personnifiés. De ce point de vue, les auteurs médiévaux n'ont pas inventé grand-chose, puisque ces motifs se trouvent déjà, pour partie en tout cas, chez Homère, ou chez Ovide, et Sénèque, donc chez certains auteurs anciens relus à cette époque. Mais ça devient un lieu commun dans la littérature médiévale, et pas seulement dans les textes de fiction, puisqu'on trouve ce même type de lieu commun dans un texte, lui, historique, les Chroniques de Froissart. Froissart rapporte un événement qu'il n'a pas vu, évidemment, puisqu'il le reprend d'un autre chroniqueur. Il parle de la guerre de succession de Bretagne, donc dans les années 1340, et il parle de deux armées ennemies qui se retrouvent donc au large du Morbihan. Et il utilise ce même stéréotype, où, même chose, ils se retrouvent et ils dératent au large, effectivement, ils partent au large sans s'en rendre compte, et ils sont victimes d'une tempête qui dure 3 jours, qui apparaît brusquement, et dont les éléments sont personnifiés. Là, Froissart construit un texte de fiction, puisqu'évidemment, il n'a pas vu cela, et même les événements de la guerre de succession, il les reprend d'un autre chroniqueur. Mais il réutilise ce lieu commun dans un texte qui pourtant se veut historique. Et en plus, Froissart fait une précision qui est assez intéressante pour nous. Il dit que les marins qui ont assisté à cette tempête étaient, dit-il, émerveillés. Alors, émerveillés, c'est étonné pour nous, mais c'est aussi évidemment une référence à la merveille, le mirabilium, qui, pour un médiéval, évoque ce qui est de l'ordre de l'impossible, de l'improbable, mais qui arrive tout de même. Et cette tempête apparaît donc comme une merveille, en tout cas sous la plume de Froissart. La tempête maritime, donc à partir de ça, on peut voir que la tempête maritime, en tout cas telle qu'elle est représentée par des terriens, parce que ces gens-là, la plupart du temps, n'ont pas beaucoup pris le bateau, ou alors quand ils ont pris le bateau, c'est une mauvaise expérience, la tempête maritime acquiert clairement une dimension totalement surnaturelle. Et ça, c'est quelque chose que Gaston Bachelard a bien repéré. Donc ça, c'est l'extrait numéro 2. Je suis désolée pour les gens qui n'ont pas l'exemplier sous le nez. Donc Bachelard dans L'eau et les rêves, un texte de 1942, où il remarque bien qu'on parle toujours des colères de la mer et rarement de sa bonne humeur. Je cite « Est-il un thème plus banal que celui de la colère de l'océan ? Une mer calme est prise d'un soudain courroux. Elle gronde et rugit. » C'est vrai qu'il y a la notion de bruit qui est très importante. Elle reçoit toutes les métaphores de la furie, tous les symboles animaux de la fureur et de la rage. C'est que la psychologie de la colère est au fond une des plus riches et des plus nuancées. La quantité d'états psychologiques à projeter est bien plus grande dans la colère que dans l'amour. Les métaphores de la mère heureuse et bonne seront donc moins nombreuses que celles de la mère mauvaise. Elles existent, c'est vrai, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Et ici, on peut penser à celui qui est à Nantes notre philosophe national, qui est Abélard. Abélard qui s'est retrouvé exilé dans le Morbihan, en fait, sur la presqu'île de Ruys, et qui a écrit des textes absolument terrifiés par le bruit de l'océan, le bruit de la mer. D'une part, il n'avait pas envie de se trouver là, et il trouvait que les moines locaux parlaient, si je me souviens bien, un idiome qui lui semblait barbare. Mais en plus, il avait cette proximité de l'abîme, cette proximité de l'océan, et ce bruit perpétuel qui lui évoquait des clameurs plus ou moins infernales. Et cet aspect-là, cette crainte de la mer est assez importante aux époques dont on parle. Ça demeure au XVIe siècle. On trouve chez Rabelais, on trouve chez Camoens dans les Lousiades des extraits tout à fait comparables qui réutilisent les mêmes stéréotypes. Mais en même temps, on parle de stéréotypes littéraires, mais c'est quelque chose qui entre en résonance aussi avec, on pourrait dire, le vécu des voyageurs qui prennent la mer. Nos écrivains, nos auteurs ici ne sont pas marins, mais parfois dans leur vie ils sont amenés à prendre le bateau, que ce soit en Méditerranée pour aller en Italie faire un pèlerinage ou ce genre de choses, ou que ce soit plutôt en Manche. Eh bien, c'est pour eux le plus souvent une expérience traumatisante, et dont ils font des récits absolument terrifiés. Je pense ici à certains clercs qui sont allés en Terre Sainte. Par exemple, en 1216, donc au XIIIe siècle, un évêque, Jacques de Vitry, se rend à Saint-Jean d'Acre. Donc, il traverse la Méditerranée. La Méditerranée est réputée pour ses tempêtes absolument abominables. Beaucoup de marins disent que la Méditerranée est pire que l'Atlantique, de ce point de vue. Et donc, ce qui lui arrive à ce malheureux Jacques de Vitry, c'est qu'avec son navire donc rempli de pèlerins, Il se retrouve pris dans une tempête au large de la Sardaigne, manque de s'écraser sur les rochers. Alors il raconte qu'il voit leur fin arriver, il voit les hauts fonds se profiler, il les voit déjà s'écraser sur l'île, et finalement, à force de cris et de prières, finalement, dit-il, Dieu eut pitié de notre affliction, et au dernier moment, ils ont réussi à dévier. Et puis 2 siècles plus tard, un autre témoignage, celui d'un ecclésiastique lui aussi, le frère Félix Fabry, qui en 1480 se rend, alors lui, en Orient, au Moyen-Orient, et après son retour, il écrit « Quand un homme a supporté plusieurs jours durant la tempête, a dépéri faute de nourriture, et qu'il arrive dans un bon port, il risquerait plutôt 5 sauts de la galère dans la petite barque qu'il emmène sur le bord de terre, que de rester à bord. » On n'a qu'une envie quand on est sur un bateau, c'est d'en sortir, pour être à terre. Montesquieu aussi, bien plus tard, racontera qu'il a vécu des moments terribles en allant en Italie et qu'une fois débarqué sur le rivage de Campanie, il n'était absolument pas question de reprendre le bateau pour lui. Il a beaucoup souffert du mal de mer. Donc on a beaucoup de récits qui nous rapportent que le voyage en mer, c'est une épreuve. C'est une épreuve avant tout physique. Parce que le deuxième point auquel je viens de faire allusion, c'est que la mer dégoûte parce que la mer rend malade. Et là, c'est le problème du mal de mer, qui frappe beaucoup les esprits. Il frappe beaucoup les esprits parce que, j'aurai l'occasion d'y revenir, le mal de mer, c'est lié aussi au fait que la mer est en mouvement. Et le fait que la mer bouge d'elle-même est quelque chose que les intellectuels médiévaux, notamment, ont du mal à expliquer, du mal à comprendre. Et la conséquence du fait qu'elle bouge, c'est qu'on est malade quand on est dessus. Alors là, il y a un encyclopédiste, Barthélemy Langlais, que je vous ai mis en 3e extrait, dans un texte du 13e, qui parle, dans les différentes qualités de la mer, il parle du mal de mer, et il dit qu'il le présente comme une propriété de la mer. Il écrit « De même, la mer est surtout nocive pour ceux qui n'y sont pas habitués. Elle leur inspire en effet de la peur, leur donne mal à la tête, provoque nausées et vomissements, et leur ôte la faim et la soif. » Et ce qui n'est sans doute pas faux dans le constat, ça dépend des gens après, mais ce qui est intéressant là, c'est de voir que Barthélemy considère ces symptômes comme une sorte de maladie de la mer. La mer provoque la maladie. Alors, maladie qui est guérissable, il ne cache pas qu'il suffit d'y être habitué pour ne plus les ressentir, ces symptômes. Mais c'est quelque chose qui semble inhérent à la nature même de la mer. Malgré tout, à partir du XVIe siècle, ces questions de mal de mer apparaîtront comme finalement un moindre mal comparé à la conséquence principale de l'allongement des voyages, qui est entre autres le scorbut. Et là, on est effectivement dans une maladie qui sera également considérée à partir des voyages transatlantiques comme une conséquence, comme une propriété de la mer, parce que je rappelle que l'usage des agrumes pour soigner le scorbut, c'est quelque chose qu'on découvrira assez tard, hein, au XVIIIe siècle. Mais le scorbut, c'est la même chose, c'est la maladie de la mer, c'est la maladie de l'océan. Alors, j'ai appris récemment, petite parenthèse, que le scorbut revient en France. Ce qui paraît totalement incroyable, mais oui, il y a des gens carencés. Fin de la parenthèse. Voilà, alors cette question de la maladie, du lien entre la maladie et la mer, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut voir entièrement sous l'angle de la peur, comme l'a fait Jean Delumeau par exemple, mais en tout cas certainement de la méfiance. C'est quelque chose qui explique une méfiance profonde envers les voyages en mer, ce qui peut paraître contradictoire, puisqu'à cette époque-là, entre 15e et, mettons, 17e, 18e siècle, les voyages en mer, notamment pour transporter des denrées, pour transporter des marchandises, sont nettement plus sûrs, nettement plus souples, nettement moins onéreux que les voyages par voie de terre. Et c'est d'ailleurs pour cela que les marchands préfèrent prendre la mer. Mais malgré cela, ça reste un élément qui suscite beaucoup de méfiance. À cet égard, je vous ai cité un autre extrait d'un texte anonyme qui a été publié à Rouen en 1600. Une histoire de plusieurs voyages aventureux, donc qui fait un petit peu un bilan des voyages transatlantiques tels qu'ils se pratiquaient alors. Et alors l'auteur nous dit, alors on est à Rouen, on est dans une ville portuaire, donc on peut penser qu'il sait un minimum de ce dont il parle. Il est certain qu'entre tous les dangers qui se rencontrent au passage de cette vie humaine, il n'y en a point de tels, de pareils, de si fréquents et ordinaires que ceux qui adviennent aux hommes qui fréquentent la navigation de la mer. Tant en nombre et diversité de qualités, qu'est-ce violences rigoureuses, cruelles et inévitables, à eux communes et journalières, et telles qu'ils ne sauraient assurer une seule heure du jour d'être au nombre des vivants. Tout homme de bon jugement, après qu'il aura accompli son voyage, reconnaîtra que c'est un miracle manifeste d'avoir pu échapper tous les dangers qui se sont présentés en la pérégrination, dit celui. revenir vivant d'un voyage en mer relève, pour notre auteur, du miracle. Et là, ce sur quoi je voudrais aussi attirer votre attention, c'est que ce qui attire la méfiance, ce qui suscite la méfiance dans les voyages en mer, ce n'est pas seulement le danger de mort, le péril, mais c'est aussi la souffrance physique. Et la souffrance physique, la maladie ou la souffrance endurée par les privations, par la vie sur le bateau, fait partie du voyage en mer tel qu'il est perçu. Ce qui explique, du même coup, qu'il y ait une vraie répulsion envers les voyages maritimes. Alors là, je viens de vous parler de vues d'érudits, on pourrait dire, d'auteurs versés dans les lettres. Qu'en est-il des gens du bord de mer ? Alors, les gens du bord de mer, eux, ils ne laissent pas de traces écrites, puisque la plupart du temps, ils ne savent pas écrire. En revanche, on peut retrouver leur comportement, et ce qui est tout à fait frappant, c'est que les gens qui vivent au bord de la mer, en tout cas sur nos littoraux atlantiques, eh bien, finalement, ils vont peu sur la mer. Ils prennent peu de bateaux. Et on peut observer, effectivement, une certaine méfiance envers la navigation, y compris chez des gens du littoral, chez des riverains. Si je parle uniquement de la côte atlantique, on va dire de la Bretagne à la Saintonge, à peu près, au Moyen-Âge, on observe que très souvent les membres des communautés maritaines, pour reprendre le terme de l'époque, comptent très peu de mariniers, donc de gens qui vont sur l'eau. Ces gens-là constituent une infime minorité. Par exemple, sur la côte poitevine, donc la côte poitevine c'est actuellement la Vendée, sur la côte poitevine, au milieu du XVe siècle, on a des témoignages de sauniers, donc de paludiers, qui forment une communauté qui est très forte sur le littoral, donc des gens qui vivent sur le bord de mer, mais qui très clairement ne prennent jamais la mer. Ce sont des terriens, ils vivent sur le bord de mer et font du sel avec la mer, mais ne vont jamais sur l'eau. C'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Un petit peu plus au sud, on a des témoignages de la région des Sables-d'Olonne. On a là aussi des petites communautés qui sont pour beaucoup formées de pêcheurs, mais qui vont très peu sur la mer. Dans un procès qui a eu lieu au début du XVe siècle au Sables d'Olonne, on relève deux personnages qui se disent maroyants ou mariniers, donc des gens qui prennent le bateau. Les autres, quand ils pêchent, ils font de la pêche à pied ou éventuellement ils prennent le bateau pour faire quelques heures de pêche, mais ils ne vont jamais très loin. Alors, à cet égard, ça peut être intéressant de voir une petite synthèse des types de déplacements tels que les archives médiévales peuvent nous en donner une idée. Et alors ce qui apparaît assez clairement, c'est que vous avez, donc ici vous avez en gros les trajets, bon, c'est synthétique, hein, c'est un corème on pourrait dire, et bien vous avez ici les trajets des marchands et des marins qui, comme vous le constatez, traversent la bande littorale sans vraiment s'y arrêter en passant uniquement par le port qui constitue un nœud finalement. Et puis, les gens du bord de mer, donc ceux qui habitent des petites communautés littorales, eux en revanche, se déplacent, utilisent les ressources maritimes locales restant dans une frange littorale, et la plupart du temps, ne se déplacent que en forme de saut de puce, entre guillemets, le long du rivage. La plupart du temps, ils ont recours à des embarcadères, même pas des ports, hein, évidemment, parce que pour qu'il y ait port, il faut qu'il y ait ville, des petites zones d'accostage locales. Mais ne vont jamais très très loin. Aller loin, c'est le métier des marins, et c'est le métier des marchands. Et des pilotes, parce que pour aller loin, il faut un pilote. Donc là, il y a une vraie rupture entre les pratiques des gens du bord de mer et les pratiques des marins proprement dit. Les deux ne se recoupent pas, nécessairement. L'une des raisons à cet état de fait, c'est que pour la plupart de ces gens-là, vivre de la mer, et vivre uniquement de la mer, c'est être pauvre. Donc, sur le bord de mer, en Bretagne, sur la côte sud de l'Angleterre, en Normandie, dans le Poitou, on rencontre des communautés de paysans qui comptent certains paysans pêcheurs. Donc, des gens qui ont un petit lopin de terre, et qui à côté de ça, pratiquent la pêche de manière occasionnelle. Mais jamais ils se disent pêcheurs tout court, parce que vivre uniquement de la mer, vivre de la mer à grand peine et misère, comme on peut le trouver parfois, eh bien c'est forcément être condamné précisément à la pauvreté. En revanche, être paysan et en plus pratiquer la pêche, ça assure une ressource supplémentaire, qui peut toujours être bienvenue en cas de disette ou de problème de soudure. Mais ceux qui pratiquent la pêche seuls sont pauvres. Et ils se disent pauvres et se plaignent de cet état-là. Je pense à des pêcheurs des Sables d'Olonne, de la Chaume, donc, qui maintenant fait partie des Sables d'Olonne, qui disent qu'ils sont pauvres et qui se plaignent de leur pauvreté auprès du roi de France, donc on est au début du 15e, parce que, disent-ils, tout leur fait gît en pêcherie, parce qu'ils sont uniquement pêcheurs. Donc il y a là une situation sociale qui fait que la mer, c'est vu comme quelque chose qui rapporte peu, et ça ne fait pas un métier. Donc quand on habite près de la mer, c'est une situation qu'on subit, mais ce n'est pas une situation qui semble réjouissante. Ici, ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'il y a une vraie différence entre la proximité géographique de la mer, le fait de vivre près d'elle, et la proximité économique, le fait d'en tirer des revenus. En fait, c'est ce qu'on retrouve ici. La proximité économique, elle est dans les ports, c'est-à-dire là où on vend le produit de la pêche, et là où on l'exporte. La proximité géographique, finalement, la proximité physique, elle se réduit plutôt à un état de frontière, de barrière. Et cette situation, juste pour terminer ce point là-dessus, cette situation se voit notamment dans l'habitat. Parce qu'on a encore sur le littoral beaucoup de maisons qui tournent le dos à la mer. Là, je pense à un cas de figure qui est breton, au site de Morbihanais de Penarmalo, dans le bourg de Guidel, sur le site de Guidel, où on a effectivement un site d'habitat du XIIe siècle, principalement, et où on observe que les maisons sont installées relativement près de la mer pour pouvoir profiter de la ressource, mais en même temps, l'ouverture se fait parallèlement au trait de côte, côté sud, et non pas vers la mer. Et on va souvent observer ce cas de figure dans le Ventay, en l'occurrence, donc dans la région morbihanaise, c'est quelque chose qui va... Ce type d'ouverture va demeurer jusque assez avant dans le XIXe siècle, donc c'est assez récent. Mais on peut effectivement constater que, ça c'est Alain Corbin l'a bien vu, qu'effectivement sur les littoraux, on commence à ouvrir les façades sur la mer à partir du début du XIXe siècle. Les premières grandes façades qui regardent vers la mer, les façades ouvertes sur la mer, c'est Brighton dans les années 1820. Donc c'est extrêmement récent. Mais avant cela, on ne peut pas la voir, ou alors, tout simplement, elle rend les gens indifférents. On n'a pas particulièrement envie de voir la mer. Cela est aussi dû au fait que la mer apparaît d'une composition étrange qui la rend totalement autre du point de vue des terriens. Et là, les racines de la méfiance envers la mer sont vraiment à rechercher, me semble-t-il, dans les conceptions intellectuelles, notamment les conceptions intellectuelles médiévales. Il y a plusieurs choses. D'une part, la mer n'est constituée que d'eau, salée et en mouvement. Alors, se pose la question de son mouvement. Alors là, il y a eu beaucoup de développements sur pourquoi la mer remue, d'où vient son mouvement, ce genre de choses. Même si on a bien observé le phénomène des marées, on savait qu'il était lié à la Lune. Donc ça, c'était des choses qui avaient été bien observées, mais la question du mouvement intrinsèque de la mer demeure. En plus, elle est salée. Et alors là, se pose un problème. Il y a une contradiction, semble-t-il, énorme entre le fait qu'elle soit salée en mouvement et le fait qu'elle puisse geler. Et alors là, la question de ce qu'on appelle maintenant des icebergs, en fait, de la mer beutée, c'est la mer solide, la mer glaciale. Là, évidemment, la partie rouge n'est pas sur la carte de Laos Magdus, c'est moi qui l'ai utilisée pour surligner en quelque sorte cette zone d'iceberg au large de l'Islande, qui est bien appelée marée glaciale, la mer glaciale. La mer glaciale, la mer beutée, la mer solide, peu importe comment on l'appelle, c'est quelque chose qui questionne les savants médiévaux parce qu'ils se demandent mais comment peut-elle geler étant donné qu'elle est salée et qu'elle est en mouvement. Donc il y a ici quelque chose qui leur paraît totalement contradictoire et donc qui montrerait que la mer est d'une nature totalement différente de ce qu'on connaît dans le reste de l'univers. Certains vont même jusqu'à attribuer une sorte de vie intrinsèque à la mer comme si elle était animée, et là ils réutilisent le vieux terme l'anima pour se poser la question, la mer aurait-elle une âme, aurait-elle une vie? On trouve beaucoup de comparaisons justement entre la mer et un être vivant. Comparaisons renforcées par certains phénomènes naturels, notamment par le phénomène du maelstrom. Donc j'imagine que vous voyez tous ce qu'un maelstrom, c'est un petit tourbillon, petit ou grand d'ailleurs, ainsi nommé en raison du plus fameux d'entre eux qui se situe au large des îles Lofoten, près d'un site qui s'appelle Maelstrom. Alors, là, je vous montre une carte du XIIIe siècle, la map monde de Hereford. Pour la comprendre, alors il faut déjà se placer, faire un petit tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, c'est la Méditerranée. Voilà, alors la recherche de la vraisemblance n'est pas ce qui est le plus important ici. Là, c'est le Nil. Et là, c'est le Tanaïs, donc un fleuve d'Europe orientale. L'Europe se trouve ici. Là. Et ce qui va m'intéresser va se situer par ici, c'est-à-dire au large des îles britanniques. Donc, je vous situe. Ceci, c'est l'Angleterre. Ceci, c'est l'Écosse. Ceci, c'est l'Irlande. D'accord ? Alors, à gauche et à droite, ici et là, se trouvent deux tourbillons. Il y en a un qui se trouve au large des îles Scilly, donc des îles Sorlingue aussi, et un autre qui se trouve dans les Orcades, dans le détroit de Puntland, en Écosse. Et alors voici comment notre cartographe les a représentés. Le maelstrom du détroit de Puntland, alors bon, je vous m'excuserai pour la qualité parce que j'ai fait un zoom, mais ça reste quand même assez limité. Mais enfin, je pense que vous voyez l'essentiel, à savoir que ce maelstrom, il le représente de façon comme une espèce de sac avec une bouche, qui soit aspire, soit rejette de l'écume, on ne sait pas vraiment. Mais là, le tourbillon apparaît vraiment comme une bouche dévorante, qui mène où, on ne sait pas, mais certains font des spéculations sur le système digestif de la mer, qui avalerait les marins pour les recracher sur la plage. Et puis, au sud, contre le maelstrom des îles Scilly, lui, il est représenté par cette petite tête d'animal, avec un petit cartouche, Svilla. Alors Svilla, c'est... Là, ce serait la tête de porc, c'est porcin, je pense que c'est la tête de porc, même si là, ça ressemble plutôt à un ours, difficile de savoir. Je pense qu'il s'agit d'un moyen mnémotechnique pour retenir le nom des îles par le biais d'un jeu de mots. Toujours est-il que, sans se perdre dans les considérations philologiques, on peut juste retenir qu'on a le même type de représentation, ici animalisée, mais avec une bouche qui avale ou qui rejette, et qui est la bouche de la mer, comme si la mer avait un corps, un système digestif. Alors cette conception peut paraître éminemment médiévale, il n'empêche que l'idée que la mer avale et qu'elle rejette, ce qui provoque le dégoût d'ailleurs, est restée jusqu'à assez tard dans l'époque moderne. Puisque finalement, Venise, je vous en parlerai après, mais l'idée que la plage rejette comme des excréments les noyers, les algues, les animaux morts, c'est resté jusqu'au XVIIe, voire au début du XVIIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui a duré assez longtemps. Le fond de ce problème, c'est que la mer apparaît au fond, si j'ose dire, comme un élément du chaos primordial. C'est un élément chaotique. Et au Moyen-Âge, ou au début de l'époque moderne, tout le monde a en tête le début de la Genèse. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme, le souffle de Dieu planète à la surface des eaux. L'océan, la mer, c'est cela qu'il y avait au tout début, avant que Dieu ne sépare les eaux inférieures des eaux supérieures, celles qui donneront la pluie. Et donc la mer, dans ces conditions, c'est une sorte de grand abîme primordial, c'est une sorte de lieu de mystère insondable, qui, en plus, jamais ne s'agrège au paradis terrestre. C'est une sorte de résidu de la création. Alors, Alain Corbin a une expression qui est tout à fait parlante à cet égard. Il parle de la mer comme d'un vestige privé de forme, un vestige de la création qui est resté, qu'on aurait oublié là, et qui suscite d'autant plus l'interrogation que la mer fait toujours partie des colères de Dieu dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Le déluge, bien sûr, qui est une sorte de retour au chaos. L'histoire de Jonas. Alors l'histoire de Jonas, le prophète de Ninive, vous voyez, le prophète qui avait désobéi à Dieu, qui a été, comme il avait désobéi à Dieu, qui a été rejeté par les marins de son navire, et englouti par une baleine dans laquelle il est demeuré 3 jours, avant que Dieu finalement ne l'autorise à sortir. On trouve beaucoup de représentations de l'histoire de Jonas au Moyen-Âge, parce que l'histoire de Jonas signifie que sous la mer, on est loin de Dieu. Et dans ce type d'image où l'on voit vraiment le prophète se faire engloutir par la baleine, mais par les eaux, il s'éloigne de Dieu pour réapparaître un petit peu plus tard. Donc, il y a une disparition, réapparition, qui là sont sur la même image et qui font vraiment partie de la façon dont on conçoit le fait d'être sur la mer. Et à cet égard, là, je ferai juste une comparaison avec... Là, on est dans des spéculations très intellectuelles, mais je ferai juste une comparaison avec ce que font les marins à cette époque. Les marins ne parlent pas de Jonas, certes. En revanche, ils ont certaines pratiques qui tendent à penser que pour eux aussi, être en mer, c'est être loin de Dieu. On a souvent dit, on a souvent écrit que la mer elle pouvait être perçue comme un espace démoniaque. Il me semble que ce n'est pas tout à fait vrai. Et que la mer n'est pas l'espace du démon. c'est juste l'espace de rien. C'est l'espace de l'absence de Dieu. Et si l'on regarde ce fameux rite qui a été pratiqué un petit peu partout en Europe, bon, moi j'ai plus parlé de ceux de l'Europe occidentale, la bénédiction des bateaux, ce qu'on appelle maintenant le baptême des bateaux. Il y a un déroulement, un rituel, qui est tout à fait codifié. En règle générale, ça se fait avec la communauté villageoise tout entière, des moines ou des clercs, qui aspergent le bateau d'eau bénite de fond en comble, de la proue à la poupe, puis vont réciter à la proue, à la poupe et au pied du grand mât, donc à des endroits importants du navire, vont réciter des passages de la liturgie ou des passages de la Bible. Et puis ensuite, tout le monde redescend du navire et tout le monde va célébrer ça dans un banquet qui réunit toute la communauté. La bénédiction des bateaux, c'est un rite qui revient faire du bateau lui-même un espace christianisé. Donc un morceau d'espace christianisé qui se promène sur la mer, et pas seulement ça. C'est-à-dire que pour le marin, c'est déjà plus rassurant, et ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un morceau de la paroisse qui se déplace sur la mer. C'est un morceau de la communauté. Parce que le marin en mer, il est loin de Dieu, mais il est loin des hommes aussi, et loin des siens. C'est pour ça que mourir en mer, c'est si terrible. C'est parce qu'on n'a pas de sépulture, mais aussi parce qu'on est perdu sous l'eau, loin de Dieu et loin des siens. Ça, c'est le problème principal des marins, en fait. Bon, et puis, sur cette première longue partie, j'en terminerai avec le dégoût des plages, auquel j'ai déjà fait un petit peu allusion. La plage suscite le dégoût, notamment dans le sud de l'Europe. Parce que les plages méditerranéennes sont très chaudes, et que la chaleur est quelque chose qui est relativement mal perçu, que ce soit au XVe, au XVIe ou au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, par exemple, on a des témoignages de deux jésuites, le père Bourse et le père Fournier, qui sont allés en Italie et qui nous disent, en parlant des populations de Messine et des populations de Venise, je prends cette image de Pinaletto, je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'ils disent que ces populations-là considèrent que l'écume, c'est la sueur de la mer, et que les rejets plus ou moins nauséabonds qu'il y a sur ces plages sont ses excréments. Et donc, ils s'en éloignent. Ils s'éloignent de la plage parce qu'elle est considérée comme sale. Alors, ce tableau de Canaletto, bon, le peintre vénitien par excellence, me semble intéressant parce que dans cette image, on voit très nettement l'aspect immobile de la lagune, le fait que ça ne bouge pas, et le fait qu'il fait chaud. Et le fait que l'eau ne bouge pas et qu'il fasse chaud, c'est perçu comme étant favorable à des émanations plus ou moins méphitiques qui font que la plage, c'est un endroit qui sent mauvais, c'est un endroit où il fait trop chaud, c'est un endroit où on peut être soumis à des vapeurs dégagées par les algues en décomposition, et donc on s'en éloigne, parce que c'est considéré comme sale. Et ça, bon, c'est quelque chose d'ancien aussi, parce que déjà dans l'Antiquité, Sénèque ou Strabon associait le mouvement de la mer à un mouvement purgatif, donc cette idée d'une purgation de la mer qui rejette ce qu'elle a en trop sur les rivages, c'est quelque chose d'ancien, évidemment. Ça revient à l'époque moderne, dans un contexte où les grosses chaleurs sont dans l'ensemble assez mal perçues, on peut penser que ces populations supportaient moins les grosses chaleurs que nous, et aussi dans un contexte où l'on considère de plus en plus que le paysage a une influence concrète sur la santé et sur l'homme. Donc qu'être dans tel ou tel type de paysage va avoir une conséquence bonne ou néfaste sur soi. Et là, derrière, il y a tout un ensemble de discours médicaux aussi dont je vais vous parler un petit peu plus loin, mais il y a cette idée très forte de l'action du paysage sur l'homme. Donc tout cela, en fait, tout cela mis ensemble, explique que la mer ait été perçue comme une frontière, comme une limite par beaucoup de populations riveraines, dès le Moyen-Âge. On peut prendre plusieurs exemples ici. Je vais encore penser à messonniers vendéens, messonniers poitevins, du milieu du XVe siècle. Ils font porter leur doléance au roi Charles VII parce qu'ils ne veulent pas payer la gabelle. Ils ne veulent pas qu'on établisse la gabelle en Poitou. Et donc, pour ce faire, ils expliquent leur situation. Ils expliquent qu'ils sont notamment situés en une des limites et mettent, c'est la même chose, du royaume de France. Ils disent qu'ils sont sur une frontière qu'ils doivent garder comme ils le peuvent, parce qu'elle est toujours ouverte soit aux incursions des ennemis, soit aux incursions de la mer. Les deux sont liés. La mer peut envahir, mais aussi les ennemis peuvent envahir. Donc ce sont des gens qui expriment très nettement le sentiment d'être sur une frontière. Les habitants de Noirmoutier disent la même chose à la fin du XVe siècle. Ils sont sur une frontière. Charles VI dit la même chose des Noirmoutrins, toujours, cette fois un siècle plus tôt, au XIVe siècle, que ce sont des gens qui sont sur une frontière. On va retrouver ça sur le sud de l'Angleterre, sur la côte sud de l'Angleterre aussi, qu'on est sur la frontière de la mer. Donc cette idée de frontière, elle vient aussi du fait que il semble, qu'on ne puisse pas aller plus loin, qu'on ne puisse pas aller dessus. Et c'est quelque chose qui ressort assez nettement de la documentation. La mer comme ressource. Alors là, j'irai un petit peu plus vite sur les points qui suivent, rassurez-vous. La mer comme ressource, c'est un élément important. Parce que si on s'installe près de la mer, malgré la répulsion qu'elle inspire, c'est parce qu'elle offre des ressources supplémentaires. Et notamment, bien évidemment, des ressources alimentaires. D'abord, les échouages. Alors, les échouages, eh bien, c'est tout ce qui concerne les algues, le ramassage de coquillages ou autres éventuellement, voire, dans certains cas, l'échouage de cétacés, de petits marsouins, de baleines, ce genre de choses. En ce qui concerne le ramassage de coquillages ou le ramassage, la pêche à pied, ça se fait depuis l'Antiquité. Ce qui va m'intéresser là plus, ça va être le ramassage des algues. Le ramassage des algues, ce qu'on appelle en Bretagne le goémon, le maherle, ça se pratique dès le Moyen-Âge. On l'utilise comme combustible. À partir de la fin du XVIIe, on va aussi utiliser les algues pour faire de la soude. Parce qu'on a découvert le procédé pour faire de la soude à partir des algues et que la soude, on l'utilise pour faire du savon. Donc derrière ce ramassage d'algues, il y a une industrie. Ce qui va expliquer pourquoi il y a une certaine pression sur les plages aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les échouages d'épaves, évidemment. Les épaves de navires qui s'échouent sur une plage et qui offrent une aubaine inespérée aux populations. D'où la réputation usurpée, semble-t-il, des Bretons et des habitants de la Cornouaille britannique d'avoir été des naufrageurs. C'est-à-dire d'avoir attiré les navires sur leur côte exprès. Bon, en fait, il semble qu'il n'ait pas fait, que ce soit beaucoup de la légende. En revanche, quand un navire s'échouait, c'est vrai que c'était toujours une aubaine bienvenue, parce qu'on peut le piller. Et alors, cette importance des échouages et des revenus qu'ils rapportent, donc cet aspect stratégique sur le plan économique des rivages, on le voit à travers les multiples droits seigneuriaux ou royaux dans le cas de l'Angleterre qui se développent à ce moment-là. Donc le droit de Brie, le droit de Lagan, le droit de Varec. Varec, ça vient d'un mot norrois qui veut dire Vagreki, c'est la prise de la vague, littéralement. Après, on peut faire une distinction entre le droit d'épave, proprement dit, où là c'est le seigneur qui récupère tout, et le droit de Brie. Ou de naufrage, ou en Poitou, PC, brisé, mais tout ça c'est la même chose, où là c'est partagé, le butin est partagé entre celui qui l'a trouvé et le seigneur ou le roi en Angleterre. On pourrait effectivement faire de multiples distinctions. L'important étant qu'il y a une emprise seigneuriale ou royale en Angleterre qui se met sur les plages, qui se fait sentir sur les plages et qui est très forte, qui est codifiée dans de multiples coutumes. Qui nous montre bien qu'il y a un problème de juridiction sur les plages. À qui appartient la plage? Bon, alors là, le problème, c'est qu'il y a une définition assez floue du statut des rivages sur le plan juridique. Pour aller vite, d'après les juristes romanistes donc du Moyen-Âge, ils sont censés être res nullius, c'est-à-dire n'appartenir à personne. Donc n'importe qui peut y prendre ce qu'il veut. Sauf que dans les faits, en pratique, les rivages sont res publicae. C'est-à-dire qu'ils sont soumis à une juridiction seigneuriale ou étatique quand il s'agit du roi. Donc on a des conflits d'usage entre les seigneurs, le roi, enfin l'autorité souveraine, et les habitants du coin, qui commencent à apparaître à cette époque et ne vont faire que s'accentuer au cours de l'époque moderne. Alors à l'époque moderne, c'est simple, on va avoir des conflits, certains auteurs parlent d'un conflit des algues au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, parce qu'on a des plages en Normandie ou en Bretagne, où on a des conflits d'usage absolument énormes entre l'État, les seigneurs côtiers quand il y en a encore, les ramasseurs de soude, enfin les fabricants de soude, pardon, et l'industrie qu'il y a derrière, les ramasseurs d'algues qui ramassent ça pour leur propre compte, ça donne des conflits juridiques à n'en plus finir, parce qu'en fait on ne sait pas à qui ça appartient. Donc là, il y a une pression, déjà une pression économique accrue sur les rivages. Deuxième type de ressource, c'est bien la pêche, et notamment la grande pêche. La grande pêche, c'est quelque chose qui apparaît vraiment à la fin du XIVe, au XVe siècle. Donc deux auteurs, Seeking et Abreu Ferreira, ici cités, parlent d'une limite du poisson en extension, si on voulait traduire ça approximativement, pour désigner cette période où l'on a fait une grande découverte, la pêche haranguière, la pêche du hareng. Parce que le hareng, et c'est là qu'il va m'intéresser, le hareng offre une ressource bon marché, quasiment illimitée, parce qu'il en a énormément, qui va nourrir les arrière-pays de quasiment toute l'Europe occidentale, donc qui permet de ravitailler des marchés urbains qui sont en pleine expansion et qui sont à la recherche d'un produit peu cher et facile à trouver. Ce qui fait que la pêche haranguière va participer au développement d'une sorte de commerce de masse, véritablement. Ce qui va induire un certain nombre de techniques de pêche, de géographie de la pêche, sur lesquelles je passe là aujourd'hui, mais en tout cas qui donne lieu à une industrie de la pêche. Et ce qui me semble intéressant avec la pêche haranguière, c'est qu'avec la pêche haranguière, on voit la mer devenir véritablement un arrière-pays, c'est-à-dire une zone où l'on va acquérir ce dont on a besoin pour se ravitailler, qui va derrière drainer toute une chaîne de ravitaillement, une chaîne de commerce. Et ça, à ce moment-là, c'est une nouveauté, qui va vraiment changer aussi la façon qu'on a d'utiliser la mer. Et puis, dernier type de ressources, les ressources sanitaires. La mer apparaît comme une ressource sanitaire, mais cette fois plutôt à l'époque moderne. Ressource sanitaire, c'est-à-dire qu'on commence à vouloir soigner par la mer, soigner par l'eau de mer. Alors, ce n'est pas quelque chose de très nouveau, puisque déjà au XIVe, le médecin du pape lui préconisait les bains de pied dans de l'eau de mer pour guérir l'hydropysie, mais c'était encore un témoignage isolé. À partir notamment du XVIIIe siècle, se mettent en place des séances de bains rigoureusement surveillées sous ordonnance médicale, de bains de mer à vocation thérapeutique. Parce qu'en fait, on est à une époque où les élites sociales, ça ne concerne évidemment que des aristocrates, les élites sociales en Angleterre et en France semblent conscientes d'une sorte de faiblesse constitutive de leur part, qu'elles attribuent à une vie d'oisiveté et à la fréquentation des mondanités, ce genre de choses. C'est l'époque où on parle des femmes qui sont mélancoliques, ou on parlera au 19e de la chlorose qui frappe les jeunes filles. Et donc on se dit qu'il faut, pour guérir cela, user d'une médecine contraire, une médecine roborative. Certains médecins, notamment en Angleterre, vont préconiser pour ce faire la guérison par la mer, puisque la mer apparaît par sa violence et par l'énergie qu'elle dégage comme l'exact contraire de ce type de pathologie. Donc on a par exemple un médecin anglais, Richard Frowin, qui envoie vers 1758 un jeune patient à Southampton pour y boire de l'eau de mer et y faire des bains répétés. Et il observe que l'état du jeune patient s'améliore sensiblement et qu'en 3 mois, il peut rentrer chez lui, frais et dispo, après ça, ce qui apparaît comme une première cure thermale, finalement. Et donc ces choses-là, cela va se développer. Au XVIIIe siècle, on pratique le bain à la lame. Alors là, j'en ai une illustration qui est plus tardive par rapport à ce que je veux vous dire, mais où on voit, on a les mêmes éléments qu'au XVIIIe finalement, c'est-à-dire un baigneur professionnel qui guide la baigneuse, parce que le plus souvent il s'agit de femmes, et qui, laquelle baigneuse, alors on la voit pas très rassurée, mais laquelle baigneuse se confronte aux vagues, voire plonge quelques secondes sous l'eau, pour éprouver cette vigueur de la mer et donc s'en trouver littéralement ressourcée, en fait. Ça, c'est quelque chose qui va se développer beaucoup dans les années 1780. On va beaucoup avoir affaire à ce type de bains thérapeutiques. C'est dans le même cadre qu'on commence à nager, ce qu'on ne faisait pas auparavant, à nager dans la mer. C'est conçu comme une sorte de lutte contre la mer, toujours dans l'idée qu'il faut se revigorer, qu'il faut se ressourcer, reconstruire son corps, en quelque sorte. Et cela, ça s'éprouve dans la nage. Ensuite, 2 derniers types de problèmes vont se poser. Le territoire et le paysage. Donc je vous disais, ce sont 2 éléments qui ressortissent plutôt à l'époque moderne. Le problème de la mer conçue comme territoire, c'est un problème qui en fait concerne ce qu'on appelle les eaux territoriales. Mais avant de parler d'eau territoriale, il faut déjà avoir commencé à penser que l'on pouvait avoir un territoire sur la mer, ce qui ne va pas de soi à la base. Et cette idée-là, qu'on pouvait avoir un territoire ou étendre un territoire national sur la mer, c'est une idée qui commence à apparaître à la toute fin du Moyen-Âge, précisément. Au départ, cette question de la mer comme territoire, elle est liée à la défense des côtes. Et le problème de la défense des côtes s'est posé pendant la guerre de Cent Ans. Parce que la guerre de Cent Ans est un conflit qui a opposé des insulaires à des continentaux. Et que comme elle opposait des insulaires à des continentaux, la mer, et notamment la Manche, y était un enjeu évidemment essentiel. Un enjeu politique, un enjeu économique, un enjeu diplomatique, évidemment, et un enjeu territorial. On avait d'un côté les raids maritimes français lancés sur l'Angleterre, français ou écossais, d'un autre côté les incursions anglaises envoyées en France. Donc la mer apparaissait comme, la Manche apparaissait comme une zone dont il fallait absolument se préoccuper. Les deux pays ont mis en place des défenses côtières, et puis peu à peu se sont posé la question de savoir si on ne pouvait pas déplacer les défenses côtières un peu avant dans la mer, c'est-à-dire utiliser une première ligne de navires qui serait placée sur mer. Et à cette époque-là, on va se situer au XVe siècle, on commence à voir apparaître des séries de textes qui commencent à parler de ce problème-là. L'un d'entre eux, qui est sans doute le plus connu à cet égard, c'est un texte anglais qui s'appelle le Libel of English Policy, qui a été écrit par un auteur anonyme en 1436, auteur dont on peut toutefois penser qu'il est assez proche du pouvoir royal. Pour situer très rapidement, en 1436, les Anglais sont en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'ils ont effectivement un territoire en France, sauf que là, ils viennent de subir plusieurs contre-coups, leurs alliés bourguignons viennent de les quitter, ce qui fait que le continent entier devient ennemi, eux se retrouvent complètement isolés de l'autre côté de la Manche. Le régent anglais en France, Bedford, vient de mourir, donc ils sont dans une situation critique. Et en plus, ils n'ont plus d'argent, beaucoup moins d'argent, pour payer ceux qui sont sur le continent. Là, dans le gouvernement anglais, on va trouver deux positions différentes. Ceux qui disent qu'il faut continuer la conquête en France, et ceux qui disent qu'il faut abandonner la conquête territoriale. L'auteur du Libel est de ces derniers, c'est-à-dire qu'il pense, il défend l'idée qu'il faut arrêter la conquête territoriale en France, qui pour lui ne sert qu'à perdre de l'argent et ne sert à rien, pour au contraire se concentrer sur la gouvernance, dit-il, de la mer, de la Manche. Ce qu'il dit dans son traité, qui est en vers, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que les Anglais puissent garder la mer et le contrôle de la mer, et notamment, dit-il, de ce qu'il appelle the Narrow Sea, le détroit de Calais, de manière à empêcher leurs ennemis d'y passer. Et il présente une vision complètement paranoïaque, on pourrait dire, de la situation de l'Angleterre, comme menacée par le reste de l'Europe. Son idée, c'est que si les Anglais contrôlent la Manche, ils contrôlent l'Europe entière. Parce que l'Europe entière passe par la Manche, pour aller au moins faire du commerce en Angleterre ou en Flandre. Alors ça, c'est un traité qui est très intéressant parce que, même s'il n'a pas rencontré beaucoup d'écho à son époque, il pose quelque chose qui est ce que pensait un certain nombre d'élites anglaises à ce moment-là. Et ça n'a pas été mis en pratique avant au moins le XVIe siècle, mais l'idée était là. Alors je vous en ai mis un extrait du Libel, et je vous l'ai laissé en moyen anglais pour que vous puissiez profiter de cette belle langue. En tout cas, voilà ce qu'il nous dit. Alors, voyez bien maintenant, cette mer qui nous entoure doit être conforme à notre noble. Alors le noble en question, c'est ça, c'est une monnaie d'Édouard III, qui représente Édouard III comme roi de la mer, non plus au sens ancien où le roi de la mer c'est celui qui a beaucoup de navires, mais au sens désormais moderne, le roi de la mer c'est celui qui domine la mer, donc là vous le voyez avec son épée, évidemment, hein, symbole de son pouvoir guerrier, son écu où il y a bien les armes d'Angleterre et de France, puisqu'il revendique les deux couronnes, et puis le navire, Édouard III, roi de la mer. Donc, cette mer doit être conforme à notre noble, on voit la voile dans le navire et notre roi en son royal habit, l'épée sortie, tranchante et tendue pour châtier violemment les ennemis, l'ennemi étant quiconque passe par la Manche. Ainsi devrait-il être seigneur de la mer alentour, afin d'être attentif aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Les ennemis de l'intérieur, c'est les Écossais. Les ennemis de l'extérieur, c'est les Français et les Flamands. Et pour être tenu par toute la chrétienté, comme le maître seigneur de toute la mer alentour, que tout homme vivant craigne un tel prince et soit vraiment terrifié par une telle domination. La domination de la mer. Et la domination de la mer, pour le Libel, c'est un contrôle nouveau, qui à la fois est défensif, garder la mer, hein, to keep enemies from within and without, c'est the keeping of the sea, c'est garder la mer, au sens que les médiévaux appelaient custodia, la garde. Et puis, donc ça c'est défensif. Mais en même temps, il prône aussi un contrôle vraiment offensif, donc ce qu'il appelle governance, où le roi serait lord and master of the sea. Et ça c'est nouveau. C'est-à-dire qu'on est un roi qui puisse étendre sa souveraineté et sa juridiction sur la mer. Concrètement, c'est ce qu'on verra effectivement à l'époque moderne. Alors, à l'époque moderne, il va y avoir plusieurs débats sur la question de savoir si la mer peut ou non appartenir à une nation. Bon, je passe rapidement sur le débat entre Grotius, le Hollandais, partisan d'une mer qui n'appartient à personne, la mer libre, et Selden, l'Anglais, qui lui, bien entendu, est favorable à une mer close, une mer sur laquelle l'Angleterre, notamment pour la Manche, étendrait de toute éternité sa domination. Toujours est-il que la question se pose et qu'à la fin du XVIIe, on en arrive à l'idée que la question de posséder la mer ne doit peut-être pas se poser dans ces termes-là, Il ne s'agit pas nécessairement d'étendre sa domination sur toute la mer, même si concrètement les Anglais, quand ils pratiquent la guerre contre la France, ont une conception du territoire où leur frontière, c'est sur le rivage de l'ennemi, donc ils vont chercher l'ennemi de l'autre côté du rivage, de l'autre côté de la mer. Mais l'idée qui naît au XVIIe, c'est que finalement, les États pourraient s'approprier une frange de la mer, une partie. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les eaux territoriales. Les eaux territoriales, c'est un problème qui est ancien, comme j'essayais de vous le montrer, mais qui se concrétise vraiment au XVIIIe siècle. Alors c'est un problème qui n'est pas forcément facile. On a un juriste suisse de Neuchâtel, Emmer de Vatel, qui en 1758 nous dit « Il n'est pas aisé de déterminer jusqu'à quelle distance une nation peut étendre ses droits sur les mers qui l'environnent. Aujourd'hui, tout l'espace de mer qui est à la portée du canon le long des côtes est regardé comme faisant partie du territoire. » Ce que dit Vatel, c'est qu'on est bien d'accord pour dire qu'il y a une portion de mer qui peut appartenir à un État, la question est de savoir où est la limite. Limite difficile à placer, évidemment, dans la mesure où on est en mer. Il va y avoir des travaux de cartographes à cet égard qui vont tenter de la placer, la limite. Il parle de cette limite d'un trait de canon, limite qui est imposée dès 1703 par le Hollandais Winkelshoek dans son livre sur De Dominio Maris, qui est le premier à formuler l'idée, la limite des eaux territoriales, c'est la limite d'un tir de canon à partir de la côte. Ce qui correspond à peu près à une lieue marine, en fait. Et ça va être la limite utilisée encore tout au long du XVIIIe. Voilà pour ces questions de territorialité. Dernier problème, le paysage. La mer comme paysage. Alors ça, c'est un point qui n'a rien d'évident quand on se place au Moyen-Âge. En fait, les premiers admirateurs de la mer, les premiers à jouir des vues de la mer ou du littoral, apparaissent vraiment au XVIIe siècle, c'est-à-dire en fait au moment à l'époque baroque. Parce que la sensibilité baroque promeut précisément tout ce qui ressortit au mouvement, à la transformation, au changement, donc notamment l'eau, mais aussi la mer. Alors, je vous ai mis un petit extrait d'un poème du père Lemoyne qui se situe vraiment en plein âge baroque, donc dans les années 1640, et qui est tout à fait éclairant. La mer tout de nouveau s'élève et se courrousse, un flot gronde en fuyant l'autre flot qui le pousse, et celui qui le suit d'un troisième poussé écume au mouvement dont il est balancé. Que cette vaste scène est mobile et changeante, toujours autre et toujours la même, elle paraît. On est vraiment dans la sensibilité baroque, hein, donc évidemment l'amour du mouvement, l'intérêt pour la scène, la mise en scène, le théâtre. Il y a ici évidemment beaucoup de choses, mais c'est l'une des premières fois où on voit la mer utilisée comme motif positif cette fois, et non pas comme motif d'effroi. Le moment où ça se développe, cette sensibilité au paysage marin, c'est vraiment au moment du tourisme au sens anglais, c'est-à-dire le grand tour que pratiquent alors au XVIIIe siècle les jeunes aristocrates anglais sur le continent. Et sur le continent, où ils redécouvrent un paysage ou des paysages qu'ils ont d'abord découverts par les anciens, par leur lecture, ils s'arrêtent notamment en Hollande. Or, la Hollande est un pays qui, d'abord, s'est construit contre la mer, en bonne partie, et ensuite, est un pays extrêmement puissant à cette époque-là, fin 17e, début 18e. Et c'est un pays qui a imposé, notamment, à vos souhaits, sa domination par la mer. Ce qui fait que dès le milieu du XVIIe, les jeunes Anglais vont déjà avoir une éducation visuelle, une sensibilité au paysage marin hollandais par la peinture hollandaise. Notamment par toutes les grandes marines, les grandes scènes de marine que les Hollandais peignent dès la fin du XVIe. Là, je vous en donne quelques-unes. Qui constituent autant de tableaux à la gloire de la Hollande, à la gloire des paysages marins de Hollande, mais aussi une éducation visuelle vraiment. Au paysage littoraux ou maritime. Bon, alors, on a des scènes de guerre, comme ici, entre les Hollandais et les Anglais. On a une fameuse légende mise en image ici, qui est celle d'un navire de Harlem qui aurait, mais évidemment ça ne s'est jamais produit, qui aurait à lui seul cassé la chaîne d'entrée du port de Damiette, puissance hollandaise, hein, bien entendu. Bon, évidemment, c'est une anecdote qui n'a jamais eu lieu, mais qui est très souvent représentée. Tous ces tableaux-là sont à la gloire de la Hollande. À la gloire de la Hollande sur la mer. Mais les jeunes Anglais qui les voient viennent en Hollande pour voir les paysages qu'ils ont vus en peinture et pour s'en imprégner véritablement. En plus, la Hollande a ceci d'avantageux, que c'est un endroit qui paraît salubre, à la différence des rivages italiens. Parce que c'est froid, parce que c'est venteux, donc ça paraît quelque chose de sain, on peut s'y promener. Mais cela n'empêche pas les mêmes d'aller en Campanie, d'aller en Italie, pour essayer de fouler le sable virgilien des plages italiennes, malgré le dégoût qu'elle leur inspire. Parce que là, ils ont lu Virgile, ils ont lu Horace, et ils cherchent à revivre en direct, si j'ose dire, ce qu'ils ont lu. Et ça, c'est particulièrement net au moment, à l'âge néoclassique, à la fin du XVIIIe siècle. Bon, Vernet, c'est l'un des fers de lance en peinture de ce mouvement-là, il met effectivement en scène dans ses tableaux beaucoup de littoraux. On ne sait pas trop s'ils sont français, s'ils sont italiens. Dans tous les cas, ils évoquent l'Antiquité, et les rivages de l'Antiquité, eh bien, commencent à avoir un regain d'intérêt, à jouer d'un regain d'intérêt. Et puis par la suite, c'est vraiment la sensibilité romantique qui va exalter cette fois la confrontation de l'homme au sublime. Alors, le sublime, c'est la notion kantienne qui est née au XVIIIe, ce mélange de beau et de terrible. Eh bien, les romantiques n'inventent rien, la différence, c'est que quand ils se mettent en scène face à la mer, ils se mettent en scène seuls. C'est la confrontation du soi avec le sublime. Friedrich, alors là j'ai une petite série de tableaux de Friedrich parce que c'est vraiment le peintre emblématique de ce sublime maritime. Il a fait beaucoup de peintures sur l'île de Rügen en mer du Nord, où effectivement se trouvent confrontés les symboles de l'infini qui nous dépassent, du beau et de la confrontation de l'homme avec lui-même. Bon, Moine devant la mer, ça c'est un tableau presque abstrait en fait, c'est vraiment emblématique de cela. Sinon des paysages beaucoup plus contemplatifs. Celui-ci qui est un de ses derniers tableaux, Les âges de la vie, qui est assez étrange en fait, mais qui apparaît comme une forme de parabole maritime, fait à Rügen, à l'île de Rügen aussi. Il y en a énormément de tableaux maritimes de Friedrich. C'est... Comment ? On dirait à Magritte. Oui, c'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant, il y a une lumière très étonnante, et puis on sent qu'on est dans le registre de la parabole, quoi, vraiment. Ouais. C'est vrai, c'est un tableau que j'aime beaucoup. C'est très très étonnant. Oui. C'est ça. Parce qu'on voit bien qu'il y a un parallèle entre les personnages et les navires, en fait, derrière, qui s'avancent de façon plus ou moins menaçante. C'est très, très suggestif, en fait. Voilà. Alors, tout ça nous mène, et je m'arrêterai là, parce que quand même, tout ça nous mène à la naissance d'une nouvelle sociabilité. La naissance de la nouvelle sociabilité, en fait, c'est le tourisme de masse. C'est la naissance du tourisme de masse. Parce que, le processus est complexe. Mais si on voulait le résumer... C'est-à-dire essayer de se demander, mais qu'est-ce qui a pu mener à l'édification, à partir de ces plages qui dégoûtent tout le monde, comment a-t-on pu arriver à l'édification des remblais, des villas, de ce genre de choses ? Il faut bien voir que c'est quelque chose qui part, si on se situe au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui part des milieux aristocratiques. Les milieux aristocratiques, je viens de les évoquer, ce sont ceux qui vont en Hollande pour voir en vrai des paysages qu'ils ont vus dans des tableaux, qui vont en Italie pour voir en vrai des paysages dont ils ont lu des descriptions chez des auteurs antiques. Ces gens-là veulent voir ce que leur culture leur a appris. En plus, au XVIIIe, on est vraiment à un nouveau moment d'observation de la nature, hein, d'observation renouvelée. En plus de cela, ces gens ont une sérieuse culture antique et, étant donné leur milieu, s'intéressent beaucoup à ce que les Romains appelaient l'otium, qui n'est pas conçu comme des vacances, parce que les vacances, ça va de pair avec le travail, mais, et qui n'est pas non plus conçu comme un temps d'oisiveté. Mais plutôt comme un temps de retraite contemplative, de loisir, où l'on se retire du monde. Et cet otium romain, les aristocrates anglais, français du XVIIIe siècle vont essayer de le retrouver. Parallèlement à cela se développe la mode des maisons de campagne. Et donc, fin XVIIIe, les années 1780-90, c'est très net. Donc on a tout un milieu qui cherche à avoir sa maison de campagne et qui, pour se retirer à l'image des Romains, va se retirer dans sa maison de campagne, plutôt au bord de la mer. Dessus se greffent après des références qui peuvent être antiques, mais qui peuvent être aussi celtiques. Hein. On a eu la mode océanique au début du XIXe siècle, où tout le monde allait visiter des grottes écossaises. Eh bien, ces gens-là s'installent là. Et puis par la suite, au moment de la Révolution, début du XIXe siècle, ce qu'on observe, c'est que le modèle aristocratique, phénomène bien connu, se diffuse peu à peu, et que cette mode d'aller au bord de la mer pour, au départ, une certaine esthétique, se diffuse dans les couches, disons, inférieures. Le moment fondamental, c'est le chemin de fer. Donc Brighton est relié à Londres par le chemin de fer en 1841. Et bien c'est à partir de là que le tourisme sur les plages, le tourisme de bord de mer, d'aristocratique, devient véritablement populaire. On a des descriptions de Dickens qui nous décrit les Ramsgate ou Brighton en nous disant que le train déverse des tonnes de touristes, qui viennent de Londres et qui viennent passer l'après-midi à manger des mauvais fruits de mer. Évidemment, c'est Dickens, il nous fait ça avec beaucoup d'ironie. Mais il décrit un phénomène qui, à son époque, dans les années 1860, est déjà acquis. C'est le tourisme de masse. Là, on a une carte postale de Brighton, effectivement, dans les années 90-1900. Ben, on voit bien ces façades tournées vers la mer, qui n'existaient pas un siècle avant. Ou alors de façon complètement isolée. Oui, tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Ils vont voir un aquarium, mais ils vont pas dans l'eau. On va peu dans l'eau, finalement. On reste sur la plage, prudemment, mais on va pas aller chercher la baleine soi-même. Je conclue. Bon, alors, ce que j'essayais de montrer, d'expliquer, c'est que, en fait, les relations de l'homme avec la mer, ce sont des relations qui sont toujours faussées parce qu'elles sont empreintes de représentations que l'homme va plaquer sur l'élément marin. On peut donc voir qu'à la méfiance succède l'acceptation, la nécessité aussi, parce que la mer, on en a de plus en plus besoin à partir du moment où on fait du commerce et où on traverse les océans. Ça, c'est certain. Mais malgré tout, ce qui reste, c'est la singularité de cet environnement, la singularité de l'environnement maritime. Parce que ce soit d'ailleurs objet de répulsion ou objet d'admiration. Friedrich et les plages vénitiennes qui dégoûtent ne sont, me semble-t-il, que les deux faces d'une même médaille. En fait, c'est un environnement singulier. Toujours est-il que la perception qu'on a de cet environnement se fonde toujours de façon très aiguë sur les sensations. La vue, bien sûr, mais aussi les odeurs, le bruit, les sensations corporelles, du baigneur ou du malade qui se soumet à la pression de la vague, de la vague froide, le sport avec la natation. Là, c'est plutôt au 19e siècle. Et donc, la plage, de ce point de vue, devient l'espace de développement d'une certaine sensualité. C'est très net à partir du 18e siècle. En même temps, et parallèlement à cela, les pratiques maritimes, donc les pratiques des marins, cette fois, elles, suivent aussi le chemin d'une maîtrise croissante de la mer, qui participe à ce mouvement général, en épuisant des ressources, en acquérant de meilleures techniques de navigation qui permettent d'aller plus loin, d'aller plus vite, et en s'interrogeant aussi sur la possibilité d'exercer une juridiction sur la mer. Question aiguë. Donc c'est une succession de modèles qui s'impose sur ces flots qui sont toujours au fond, toujours lointains, avec toutefois une différence essentielle entre le terrien, qu'il soit méfiant ou qu'il soit touriste, qui reste sur la plage, justement, et qui regarde la mer de loin ou qui refuse de la voir, et puis le marin, le marchand, le négociant, qui lui par contre est toujours soucieux de parcourir les étendues maritimes parce que il sait que la mer relie entre elles les différentes parties du monde et que maîtriser la mer, ce serait peut-être maîtriser le monde. Merci. Donc merci pour cette communication donc centrée effectivement sur les sensibilités, surtout face à la mer. Je pense que vous avez essayé de montrer un petit peu comment les populations, principalement les élites, ont apprivoisé finalement cet espace. Moi, j'aurais une première interrogation pour lancer la réflexion, c'est que vous avez présenté la mer comme une frontière. Est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres façons de concevoir cet espace du littoral que justement cette question de frontière? Parce que quand vous évoquez les zones avec les pêcheurs, etc., ça peut être des zones de marée, ça peut être des zones qui ont une certaine complexité aussi, qui sont des milieux qui sont complexes. On ne le sentait pas forcément toujours dans votre présentation. Oui. Après, ça dépend à quelle époque on se place. C'est que moi, je connais surtout le Moyen-Âge. Et pour les gens du littoral, il est assez clair que certes, le littoral, c'est un espace qu'ils peuvent s'approprier dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'ils peuvent y puiser des ressources supplémentaires, ils peuvent l'aménager. En revanche, très vite, dès qu'on entre sur le... disons une distance de 10 mètres dans l'eau, c'est déjà notre monde. Et un certain nombre d'entre eux expriment la sensation qu'ils sont coincés dans le littoral, en fait. Donc qu'ils sont dans un espace qui n'est pas complètement terrien parce qu'ils font pas d'agriculture, les sauniers c'est particulier, et ils peuvent pas aller plus loin parce que justement ils savent pas naviguer. D'ailleurs beaucoup d'entre eux savent pas nager, ce qui pose des problèmes souvent. Donc il y a cette idée d'étouffement dans le littoral, elle est quand même assez présente, même s'ils arrivent à s'en débrouiller. Mais on a l'impression qu'ils subissent leur situation, en fait. D'accord. D'autres questions ? Moi, j'ai des questions de Béotien en histoire médiévale. Ça fait 9 ans que je fais l'histoire médiévale. La dernière fois que j'en avais entendu parler, d'ailleurs, c'est un programme d'agrégation sur le haut Moyen-Âge. J'en ai trouvé. Oui, je le vois. Et de corps qui montrait la résurgence du commerce. Donc, c'était à la fin du haut Moyen-Âge. Oui. Et finalement, bon, ben, vous partez beaucoup plus du 14e, oui, du 15e siècle. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus quand même sur ce qu'on sait de la mer entre le 10e et le 14e? Mm. Je pense que les Arabes et la Méditerranée sont peut-être plus centraux peut-être à cette époque. Alors oui, pour les siècles antérieurs au 13e, globalement, on peut dire qu'il y a des puissances maritimes. Enfin, des puissances maritimes, c'est-à-dire des gens qui utilisent la mer pour soit pour faire du commerce, soit pour des expéditions militaires. En Méditerranée, effectivement, ce sont principalement les Arabes, puis les Italiens après, les commerçants, les marchands italiens qui vont prendre le relais. Et au nord, il y a deux nations navigantes, et ce depuis les premiers siècles du Moyen-Âge, ce sont les Frisons, donc dans le nord des Pays-Bas actuels, et les Vikings. Donc ceux-là, ce sont les gens qui font du commerce par la mer, qui arrivent parfois même à se créer une forme de empire, thalassocratie, bon, ce sont des termes sujets à débat, donc, mais qui s'imposent, en tout cas sur les rivages de la mer du Nord ou de la Méditerranée. Mais la situation, pour parler globalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a quelques puissances qui arrivent à tirer leur partie de la mer et qui l'utilisent, et les peuples d'à côté, absolument pas. À la fin du Moyen-Âge, on observe que les voisins, alors moi je connais plus le nord que le sud pour le coup, même si au sud c'est les Italiens qui dominent, mais au nord, clairement, les autres nations autour des Frisons, autour des Vikings vont elles aussi réussir à tirer leur parti de la mer, à faire du commerce par la mer, à transporter des denrées par la mer, à l'utiliser pour faire des expéditions, etc. Mais au départ, milieu et début du Moyen-Âge, c'est quelques nations qui utilisent la mer et qui terrorisent les autres souvent justement en utilisant la mer, parce qu'elles savent très bien en tirer parti sur le plan militaire. La deuxième partie de la question, c'était sur les sources et les problématiques. Oui. Là, vous avez parlé des chroniques et des différentes sources littéraires. Est-ce qu'il y a d'autres sources pour étudier les relations de l'homme à la mer? Il y en a plein. Voilà. Quelles sont les problématiques qu'on peut en tirer, notamment sur les questions environnementales, ou je pense aussi au climat? Est-ce qu'on parle de telle époque où il vaut mieux ne pas prendre la mer à cause de ces fameuses tempêtes? Voilà, qu'est-ce que les sociétés en disent en ça? Alors, bon, pour commencer par votre première question sur les sources, oui, il y a énormément de sources, parce que si on sort du domaine érudit, donc ça va être toujours les encyclopédies, les romans, les chroniques, etc., en fait, ce sont tous les actes de la pratique, la plupart du temps, qui nous renseignent de façon plus ou moins directe sur les pratiques des gens. Donc, les sources judiciaires sont assez utiles pour ça, parce qu'elles donnent la parole aux gens qui ne savent pas écrire. Donc ça, c'est assez intéressant. L'iconographie est souvent moins utile, parce que l'iconographie, ce sont des navires dessinés par des gens qui n'ont jamais vu de navire, donc c'est assez limité. L'archéologie apporte beaucoup aussi, justement, pour l'étude des communautés, de l'implantation des communautés littorales. Je pense à certains cas en Angleterre ou en Bretagne. Donc c'est finalement extrêmement varié, extrêmement divers. Quand on s'intéresse aux pratiques des gens, des marins ou des gens du littoral, on trouve quand même beaucoup de choses. Ensuite, en ce qui concerne les problématiques elles-mêmes, par rapport aux relations avec l'environnement, ben, ce qui me semble, un problème qui me semble assez passionnant à étudier, c'est la façon dont les communautés littorales, peut-être plus encore que les marins, se sont peu à peu appropriés leur environnement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'ils vivaient de façon hostile, un environnement qu'ils percevaient de manière hostile, et qu'ils ont plus ou moins réussi à aménager pour s'en accommoder, voire pour étirer des ressources supplémentaires. Pour en tirer, pardon, des ressources supplémentaires. Là, il me semble que dans cet aménagement, dans cet accommodement d'un environnement considéré comme hostile, il y a quelque chose qui est assez intéressant à creuser. Et puis ensuite, en ce qui concerne le climat, alors là, par contre, c'est plus difficile, parce qu'on a des sources ponctuelles. Je pense à certaines sources scandinaves, notamment, qui nous parlent effectivement des difficultés des tempêtes ou ce genre de choses, mais ça reste quand même très, très dispersé. Alors, bon, par exemple, alors ça c'est un cas qui est assez intriguant, c'est que on sait que il y a eu un abaissement du climat au début du 14e siècle, le petit âge glaciaire, et qu'avant la température globalement était supérieure de quelques degrés, d'après ce qu'on peut estimer. Et alors, à cet égard, évidemment il y a des carottages qui montrent ça, mais à cet égard il y a aussi un extrait d'une saga, la saga des Groenlandais, je crois, qui montre donc une saga islandaise, et qui montre un propriétaire qui traverse un fjord à la nage pour aller chercher une brebis qui est restée isolée sur une petite butte, sachant que si la température du fjord était celle qu'il y a actuellement, il serait mort d'hypothermie. Alors le viking est certes plutôt vigoureux, mais bon, clairement, là, dans le fjord, il faisait un petit peu plus chaud que maintenant. Donc ça, on en est à ce stade, à ma connaissance tout du moins, ça reste très ponctuel. Une question de... Oui. Vous aviez évoqué la frontière qui existait entre les communautés littorales et la mer. Mais est-ce que peut-être il y avait des cas au Moyen-Âge, dans, par exemple, il y avait des épidémies de la peste, et donc ça pouvait pousser les gens à se réfugier dans la mer et pas considérer ce milieu comme hostile? À ma connaissance, non. Non, non, on ne franchit pas la mer. On ne rentre pas dedans. C'est même plus affreux que la peste, alors, oui. Dans ces cas-là, quand il y a migration, c'est migration le long du littoral. Ou alors, c'est des gens qui vont migrer dans des ports, donc des villes, et depuis les ports, ils vont aller migrer ailleurs. Mais sinon, de leur propre chef, ils ne prennent pas la mer. Parce que souvent, ils ne savent pas naviguer, ou alors très mal. Ou alors, c'est seulement un ou deux individus dans la communauté, et puis ils ne savent pas nager. Donc, ils sont contraints de rester dans une certaine limite et toujours à proximité du rivage, en fait. Non, non, ils prennent vraiment pas le bateau. Hein. Ça reste, c'est bloqué. Par contre, il y a pas de la question du risque qui vient de la mer aussi. Oui. Vous avez parlé au début de la mer perçue comme un danger, c'est-à-dire effectivement de la maladie qui vient de la mer ou des différents risques liés aux tempêtes ou autres. Et comment justement peut-on percevoir la façon dont les sociétés concevaient ce risque et cherchaient à s'en protéger? Alors, comment chercher à s'en protéger? On voit ce qu'ils construisent. On voit ce qu'il en est dit dans les sources. Alors là, c'est plutôt les sources administratives, en fait. Et puis, dans certains textes qui sont assez intéressants, en fait, on a souvent dit que les sociétés médiévales étaient fatalistes. Donc, qu'elles s'accommodaient... Voilà, on a dit ça. Qu'elles s'accommodaient de la fatalité. Et on trouve quand même un certain nombre de textes qui tentent à montrer le contraire. Moi, je pense à un texte qui est hollandais, parce que les Hollandais ou les Flamands ont été beaucoup confrontés... Là, depuis la Terre, ont été beaucoup confrontés aux inondations, évidemment, et aux problèmes liés à ça. Je crois que Tim Soultz a dû vous en parler. Et donc, ça a généré certaines cultures, et notamment certaines cultures du risque face aux inondations. Et je pense à un texte qui vient de Leyde, et qui rapporte une grande inondation qu'il y a eu en 1421, qui est l'inondation de la Sainte-Élisabeth. Et le chroniqueur, c'est un clerc, il écrit en latin... Il a été manifestement témoin de la chose, il écrit à cette époque-là, et il nous raconte l'inondation, il nous dit que les gens s'étaient réfugiés dans l'église, mais ils ne s'étaient pas réfugiés dans l'église parce que ils s'étaient réfugiés dans l'église parce qu'elle était sur une butte, donc qu'elle échappait à l'inondation, et qu'ils se lançaient et qu'ils se jetaient dans des prières frénétiques, et ils trouvent ça complètement irrationnel. En fait. Donc il y a la culture du risque, c'est effectivement assez ambigu. La fatalité, le fatalisme médiéval me semble quand même quelque chose qui est à revoir. Et concernant les sources, eh bien voilà, ça va être dans qu'est-ce qu'ils construisent. On construit des digues, on reconstruit des digues, on déplace des communautés, on va placer des forteresses, ce genre de choses. Donc on regarde ce que les gens font. Si je peux prendre quelques questions en anglais. Oui. Sorry for my lack of active French. And I may have misunderstood one or two things, so apologize for the questions. And I think actually I would add two more principal angles, because the sea can also be a means of communication. Mm. And I think this is very important for a lot of seas, not for every sea, but for the La Manche, for the Mediterranean, certainly. And also, I think in modern view of environmental functions, it's also the recipient for wastes. When the things we chuck away, we chuck them into the rivers and they end up in the sea. And this is very important for our flows of mass in modern societies. So this was just a comment. And also, I think there is a very interesting relationship between the angle of the mer as a paysage and as a repoussoir, because I think this, the fact that it becomes a landscape in the romantic notion, it's very much related to the way how we relate to the sea in principle, and that has dramatically changed in the late 18th and 19th century, when, in the age of romanticism, obviously, our relationship to nature in principle has changed, and therefore also to the sea. So I think the fourth is only possible because of the changes in the repertoire. Yeah, sure. Or in the perception of the repertoire. Sure. And as for what you were saying, you were saying about the sea as a mean of communication, of course you're right. And I guess I wanted to be shorter on everything I had to say, so it was quite complicated because that's a topic I know quite well. So I had many things to say, and when I wanted to put them all in a shell, well, I had few to say. So it's quite complicated. But this is a very interesting topic because, yes, of course, the sea appeared as a mean of communication, mainly for trade. For my period, Middle Ages, mainly for trade, it was considered as very useful. But what is very interesting is the fact that people realized that there was something behind the ocean. The ocean was considered as the border of the world before that. And the sea, it was only the Mediterranean. And so by this way, and by the discovery of a new continent, they discovered that there was something else. So, in fact, that it could be a way to communicate. So that is completely true. So I agree. And diseases are communicated as well. Sorry? Diseases are also communicated as yeah. well. Yeah. D'une part, on a presque ce que vous avez présenté, en fait, vous avez travaillé sur l'Europe moyenne. C'est-à-dire, vous partez des côtes néerlandaises, à peu près, un peu de choses près, oui, c'est ça. Oui. Donc, est-ce qu'on ne peut pas penser que ce que vous décrivez, là, correspond en fait à une certaine zone géographique? Qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des sentiments que pouvaient avoir les populations, par exemple, portugaises, espagnoles, italiennes, et les gens du Nord, dont on sait qu'ils ont été quand même de très grands commerçants. Oui, tout à fait. Est-ce que le schéma que vous présentez pour cette partie-là de l'Europe, est-ce que vous avez connaissance de travaux un peu similaires aux vôtres concernant, par exemple, les hommes du Nord, de la Scandinavie, ah, oui. les hommes du Sud? Est-ce que l'approche est la même ou pas? Alors, il se trouve qu'en plus j'ai travaillé sur la Scandinavie puisque j'intégrais l'Islande dans mon travail. D'accord. Donc, avec une dimension comparative notamment entre les Scandinaves et les Européens. Les Scandinaves ont quand même osé aller jusque l'autre côté du monde. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, et puis quant aux gens du Sud, alors là, bon, là ce n'est pas ma spécialité. En revanche, je sais que c'est un thème qui, à ma connaissance, n'a pas été traité tel quel, sauf dans un livre espagnol qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait El miedo del mar, donc la peur de la mer, que j'ai jamais réussi à voir, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, enfin j'imagine que ça parle de la peur de la mer, mais sinon peu d'historiographie sur ce sujet. En ce qui concerne à ce que je vous ai présenté, en fait j'ai sélectionné dans ce que je vous ai exposé ce qui me paraissait être vraiment les points communs entre le nord et le sud, avec les traits particuliers que sont voilà, les plages du sud suscitent plutôt le dégoût tandis que les plages du nord ont l'air plus saines. Au 18e en tout cas, du 7e au 18e. Après, la question des Scandinaves, par exemple, que vous soulevez, c'est évidemment une question intéressante parce que les Scandinaves ont une culture maritime très différente. Mais alors là, je me suis dit, si je commence à parler des Scandinaves, je vais compliquer le sujet plus que nécessaire, en fait. Mais effectivement, ce serait une question extrêmement intéressante parce qu'on voit bien, quand on étudie les Norvégiens ou les Islandais en comparaison avec les mêmes populations, les populations de la même époque, ce sont des gens qui ont une culture maritime beaucoup plus développée, donc ils ne présentent pas justement cette peur ou cet effroi face à la mer, parce que chez eux, tout paysan, enfin tout homme libre, est aussi marin. Donc ils savent naviguer, ils ont des instruments qui sont beaucoup plus développés, ils ont des navires qui sont faits pour naviguer sur ces mers-là, pas forcément pour naviguer plus au sud, mais pour naviguer sur ces mers-là, donc qui tiennent bien la mer, donc c'est la perception est totalement différente, effectivement. On est une population de maritime. C'est à propos de, aussi de, les littoraux, parce que ces littoraux ont été modifiés. Alors, avant notre période, 13e victorienne, mais je pense tout le processus de digue, d'endiguement des côtes flamandes. Oui, tout à fait. Alors, là, qu'est-ce qu'il y a bon, évidemment, ce sont des enjeux économiques, oui. Évidemment, mais ça a occasionné quand même des travaux très importants oui. de la part de gens qui. Immanquablement avait une connaissance du monde marin. Oui. Pour pouvoir construire. Alors oui. C'est dit. Et oui avant, et non. Une autre. Et encore avant, sur les côtes de la Flandre française, de Belge, néerlandaise, il y a alors une population qui a su, comment dire, intégrer la question du risque. Mm. C'est la population Tout à fait. Des terpènes. De terpènes prison. Oui. Hein, terpènes prison, donc en fait c'est utiliser des accidents topographiques le long des littoraux, donc qui sont des accidents des petites collines, des buttes plus exactement, laissées par la mer, etc., qu'ils ont en quelque sorte consolidé, agrandi, haussé surtout, et au sommet sur la plateforme sommitale. Se sont établies des communautés, des villages qui sont qui ont un plan tout à fait particulier aussi. Et tout autour, en fait, c'est le domaine de la mer. Alors, le domaine de la mer, enfin, je ne vous le dis pas. Non, c'est Stéphane Lebec, le spécialiste. Voilà, en fonction donc des inondations, des marées, etc. Ce sont des terres qui sont périodiquement envoyées. Donc, il y a toute une culture, une économie qui se met. En place. Mais avant, donc, la question technique, plus ou moins, c'est on avait quand même affaire à des gens qui connaissaient ce milieu-là pour savoir endiguer. Oui. Alors, ils connaissent la. Est-ce qu'il y a des tests qui... Bah, pour les Pays-Bas, la Flandre, c'est tous les comtes de Wateringue. Alors, de Wateringue, oui. Ouais, c'est ça. Parce que c'est là qu'il y a toutes les listes de gens qui ont travaillé sur telle digue, qu'est-ce qu'ils ont fait, quand, comment, etc. Et puis après, quelques textes. De type témoignage, mais qui sont finalement assez rares. Et alors là, ils connaissent la mer, ils connaissent le littoral. La mer, ils ne la connaissent pas nécessairement. Parce que ce qu'on voit dans, justement dans les contes où on voit les digues se construire, en Flandre ou en Zélande, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont recrutés, alors il y a les maîtres d'écluses ou les maîtres d'œuvre qui, eux, sont spécialisés dans la construction de digues, donc ils connaissent. En fait, ils connaissent de façon empirique les questions de pression, notamment de l'eau, ce genre de choses. Et puis, ceux qui travaillent, c'est uniquement des gens du coin. Et c'est des gens du coin qui ne sont pas nécessairement des ouvriers spécialisés, mais qui sont recrutés parce qu'ils habitent dans le coin. Et ces gens-là, ils habitent soit sur le polder, soit un petit peu en retrait. La plupart d'entre eux sont paysans. Donc, en fait, ce qu'ils connaissent de la mer, c'est ce qui se produit quand elle déborde, finalement. Mais ce ne sont pas forcément des gens qui vont sur l'eau. Et ça reste toujours cette différence-là. Ce ne sont pas des gens qui vont sur l'eau, mais par contre, ils luttent contre l'eau. Et ce sont des gens qui ont aussi... Alors ça, on voit la même chose en Vendée aussi, dans des témoignages de Poitevin. Ce sont des gens qui ont une conscience accrue de la transformation du paysage. C'est-à-dire qu'ils se repèrent. Alors vous parliez des terpènes avec le domaine de l'eau, qui va être l'eau qui se retire et qui va réaménager le paysage. Ces gens-là, on trouve ça dans les procès, quand on leur demande de raconter à telle époque ce qui s'était passé, à qui appartenait tel domaine. Et bien, ils se repèrent avec le fait qu'à cette époque-là, il y avait de l'eau dans le clos où il n'y en avait pas. Et donc, ça fait des strates temporelles, en fait. Et ils voient bien le paysage qui se transforme. On a des témoignages en Zélande aussi qui racontent une inondation où on voit le paysage qui se transforme. Il y avait des pâturages et maintenant, il y a de l'eau et c'est de la mer. Et puis, c'est de la mer et après, ça va devenir du polder. Et quand on nomme les polders, c'est passionnant quand on nomme les polders. Il y a des polders qui n'ont pas de nom et des polders qui ont un nom. Le polder qui a un nom, ça veut dire que même quand il sera inondé, il restera du territoire de l'homme. S'il n'a pas de nom, il reviendra à la mer. Donc là, il y a effectivement toute une culture qui n'est pas seulement une culture du risque, qui est aussi une culture de la construction de paysages qui est très très intéressante. Ouais, j'avais deux questions. La première, peut-être si tu as aussi d'y répondre, mais en fait, je vois dans votre récit et puis dans d'autres choses que j'ai vues, c'est toujours ce grand récit hein, on arrive à apprivoiser l'espace maritime, c'est un peu le récit d'une prise de contrôle du territoire maritime, et puis ensuite on va de plus en plus loin, etc. Un grand récit, puis ça passe par les sensibilités, ça passe par les sciences, on peut parler de la science des marées, hein, qui est le grand triomphe de Newton au XVIIe siècle, Même chose, peut-être d'histoire de prise de possession, et on arrive de mieux en mieux à faire avec le milieu maritime. Et dans une perspective d'histoire globale, oui. Je me posais la question, si on s'intéresse à d'autres zones, ça pose un peu la question de Corinne, je pense à la Chine, je pense au Japon qui a oui, exemple, oui, oui, tout à fait. Les Tokugawa qui interdisent hein, oui, oui. La navigation à longue distance, qui est ce problème du grand enfermement. Donc, est-ce que ça pourrait jouer un rôle, j'imagine, ça pourrait être un ingrédient dans l'histoire de la globalisation, cette façon différente de faire avec la mer dans ces différents continents. Donc ma première question c'est, est-ce que vous avez des exemples qui soient non européens auxquels on pourrait faire une comparaison? Et ma deuxième question, c'était la question des populations de marins, parce que j'aurais été frappé par ça, c'est l'espèce de... Vous avez parlé de la médecine navale, mais pas tellement finalement. Non. Cette idée qu'on a que le milieu maritime façonne une nouvelle race d'hommes en réalité, des particuliers, comme contrôle, c'est-à-dire eux qui font l'objet des premières procédures d'identification hein, avec l'inscription maritime très tôt. Donc est-ce qu'on sait quelque chose de ce... De la rencontre en fait entre les populations littorales et ces marins qui sont caractérisés vraiment oui, comme oui. des personnages autres, même d'une autre, qui sont dotés d'une espèce d'une autre identité biologique pratiquement, si on peut dire, qui sont considérés comme d'une autre forme de race humaine, façonnée par le climat de leur navire. Le climat de leur navire, c'est vrai que. Oui, oui, oui, tout à fait, ouais. Et c'est un truc dont on n'avait pas vraiment parlé en fait, c'est-à-dire, il y a la mer, oui. Il y a aussi l'environnement. Navire qui est un mélange d'influences marines et puis du bois, des denrées qui sont plus ou moins plus ou moins, oui. C'est... et qui crée voilà, oui, tous ces problèmes et qui sont des problèmes stratégiques. Hein, oui, qui sont des problèmes stratégiques parce que c'est lié au fait que les voyages sont plus longs. Donc ouais, ça pose. Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça, on fait des voyages. Effectivement, j'en ai pas parlé. J'aurais bien voulu. C'est pas du coup, on est encore là demain. Mais alors, pour répondre à vos deux questions. Première question. Alors, oui, je me suis intéressée, mais je me suis intéressée en profane à d'autres régions. Alors, le Japon que vous avez évoqué, parce que l'archipel par excellence et la gestion du risque, c'est le Japon. Et puis aussi à certaines populations aborigènes d'Australie, parce que il y a un groupe de populations qui vivent dans le nord de l'Australie, dans le golfe de Carpentarie, qui sont des populations marines. Et ce qui m'intéressait, c'était, pour comparer un petit peu avec nos marins médiévaux, c'était de voir que ces gens-là se repèrent dans la mer. Ils ont des points de repère dans le paysage marin. C'est seascape, disent les Britanniques, enfin les Anglo-Saxons. Ils se repèrent dedans, alors que nos marins occidentaux, en tout cas au Moyen-Âge, absolument pas. Pour eux, c'est un paysage indifférencié. Et puis au contraire, ils vont plutôt, par le biais des points géodésiques, ils vont plutôt imposer la façon de voir, de compter de la Terre. Alors que nos Australiens, pas du tout, en fait, tel rocher, tel source, tel tourbillon, c'est un ancêtre, c'est un point de repère. Donc ça m'intéressait, effectivement, de comparer. Sorti de là, je vous avouerai que non. Mais et que là, les gens vont parler, les Australiens ? Ah bah oui, et même ce sont des gens qui vont assez loin, justement. C'est le même type de population que ceux qui étaient plutôt dans la Polynésie et qui ont émigré jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était après l'éruption du Kauai en 1453. Donc c'est des gens qui ont parcouru des milliers de kilomètres sur mer et on ne sait pas ou très peu comment ils se sont repérés. Donc c'est les mêmes, ce sont les mêmes types de populations. Mais sorti de là, voilà, moi je n'en connais pas plus et je serais ravie qu'on fasse de l'histoire globale avec des histoires maritimes, effectivement, sur ces questions-là. Ah mais oui, tout à fait, parce qu'il y a quand même une certaine concordance chronologique et ce serait effectivement assez intéressant. Donc ça c'était pour votre première question. Et votre deuxième question sur les marins et les gens du littoral. Alors les marins et les gens du littoral, pour les aperçus que j'ai pu en avoir, ce sont des populations qui se croisent peu, parce que les marins sont des gens des villes. Alors ça change au XVIIe quand on commence à recruter des marins dans toute une région. Par exemple en Saintonge, tous ceux qui vont au port de La Rochelle, on les recrute dans la région. Mais avant ça, eh ben, les marins sont les gens des villes, ils côtoient des marchands parce que ce sont leurs commanditaires. Les gens du bord de mer, ils vont jamais en ville. Donc, ils se croisent pas. Enfin, c'est vraiment, c'était sur la carte que je vous ai montré tout à l'heure, on voit que ça se croise, mais ça ne se rencontre pas, en fait. Voilà. Oui, j'avais deux questions. La première, elles sont peut-être liées. La première, c'est sur la Hollande. Vous avez évoqué ces aristocrates anglais qui, dans leur tour, venaient regarder les rivages littoraux de la mer Hollande. Est-ce qu'on a, dans la société hollandaise, eu quelque chose avant, dans la bourgeoisie hollandaise qui est au contact de la mer, un intérêt pour la mer, pas seulement économique, mais comme était cet intérêt comme ce qui motivait ces aristocrates anglais. Puis la deuxième question est un peu liée. La présence, vous avez souvent évoqué le rôle des représentations religieuses au Moyen Âge. Bon, entre le Moyen Âge et le XVIIe, XVIIIe siècle, il y a eu la Réforme. Mmh. Et est-ce que il y a quelque chose à dire à propos de la Réforme dans ce rapport entre l'homme et la mer? Alors, pour votre première question, la Hollande, alors je ne suis pas spécialiste de la Hollande au siècle d'or, mais en tout cas à ma connaissance, la mer pour les Hollandais du XVIIe, c'est vraiment un instrument économique. C'est-à-dire, c'est l'instrument de l'Empire et c'est l'instrument de la richesse des Provinces-Unies. Sorti de là, moi je n'ai pas, mais voilà, je ne suis pas spécialiste, donc un spécialiste pourrait peut-être me contredire, moi je n'ai pas croisé de sources qui fassent état d'autres motivations à l'intérêt pour la mer. Parce que finalement, la mer, c'est un peu l'emblème, justement, de la puissance de cet empire qui se construit jusqu'en Indonésie. Ça, c'est une première chose. Donc voilà, je ne peux pas vous donner une réponse vraiment définitive. Ensuite, la réforme, eh bien, bizarrement, la réforme ne semble pas avoir changé grand-chose. C'est-à-dire qu'on observe, effectivement, qu'au cours de l'époque moderne, les références religieuses ou les assimilations à des passages bibliques tentent à décliner. Mais finalement, ça ne semble pas imputable à la réforme ou à la contre-réforme plus qu'à autre chose. Ça semble décliner comme allant de soi, et puis après, au XVIIIe, la Révolution achève la chose. Donc moi, je ne vois pas d'influence de la Réforme. Non. Voilà. Dans la disparition, sans doute, de ces imaginaires progressifs, bon, c'est une conséquence indirecte. Ça doit jouer, effectivement. C'est difficile de l'imputer explicitement à ça, mais ça doit jouer, effectivement. Et aussi, les deux questions, la première, c'était... Votre titre, c'était les relations de l'homme avec la mer, mais finalement, en fait, vous utilisiez le mot mer ou le mot littoral de manière parfois presque synonyme, alors que finalement, là, le Brighton, etc., c'est le littoral qui prend vraiment approprié, qui a une dimension positive, alors que la mer, elle, reste dangereuse, reste pleine de mystères. Donc, je vais voir si vous faisiez cette différence dans votre travail de thèse, et puis si même la différence littoral-mer existe dans la conception. Au Moyen-Âge. Voilà. Et la deuxième question, c'était quand j'écoute votre conférence et que je dis Corbin, ce grand récit du passage du dégoût à quelque chose de plus positif me fait à chaque fois penser à Roderick Nash, son grand récit, encore une fois, sur la wilderness. Et je trouve qu'il y a des parallèles assez évidents et qui sont assez rarement faits, donc je vous laisse réagir à ce parallèle. Alors, pour votre première question, mer littorale, ce n'est pas la même chose, on est d'accord. Mais c'est simplement que, dans la perspective de ces relations entre l'homme et la mer, quand l'homme se place sur le littoral, c'est pas par intérêt pour le littoral, c'est pour regarder la mer. Donc c'est le littoral, la plage en fait, comme on le dit maintenant, la plage ça reste un point, on n'observe pas la plage pour la plage, on observe la plage pour la mer. Donc la mer reste le spectacle. Parce que, par exemple, les marines, etc., finalement, vous avez dit Friedrich, etc., mais il y a aussi toute cette mode de représenter la mer avec la terre derrière, parce qu'au fond, ce qui nous intéresse... Ouais, mais sauf que là, c'est du point de vue de la terre, vous voyez ? Les peintures de marine, c'est toujours du point de vue, il y a toujours un bout de plage quelque part. On voit bien que l'observateur, il y a un petit bout de terre, effectivement, et là, on regarde la mer au loin. Je suis d'accord, c'est jamais des points de vue où on est au milieu de la mer et puis on regarde ce qui se passe autour. Non, ça jamais, c'est toujours du point de vue de la plage. Donc le littoral, il sert en fait de support à une admiration qui est en train de naître, enfin on peut appeler ça comme on veut, mais effectivement c'est pas du tout le même espace, ça je suis d'accord. Après, ce que les médiévaux en disaient, ben, les médiévaux ils parlent du bord de mer, ils parlent de la limite, ils ne parlent pas de plage, ils n'ont pas de mots pour plage, ils n'ont pas de mots pour littoral, mais ils parlent du bord. Alors le bord, c'est la géométrie variable. Le plus souvent c'est la zone dans laquelle on recrute les gens qui sont astreints au guet pour guetter le bord de mer. Donc ça fait quelques lieues de large, mais ils n'ont pas de mots spécifiques pour désigner ça. Donc c'est le bord de mer. Et puis votre deuxième question, eh bien je n'ai pas lu Roderick Nash, donc je le lirai avec intérêt, mais je ne peux pas y répondre. Je sais que c'est toujours l'idée intéressante, mais parce qu'on trouve la même idée, j'avais pensé à ça, mais l'idée qu'on a conquis ce territoire, on l'a domestiqué, mais quand même ça reste un lion, on va éprouver des sensations fortes, on va s'éprouver comme un homme, on part, et alors qu'en même temps c'est un territoire qui est touristique, c'est que ça ressemble à Yellowstone, on va camper pour retrouver le contact avec la nature, oui. En même temps, c'est organisé. Ça. Mais là, ce que j'y réfléchis pendant quelques secondes, là, c'est la dimension identité nationale, c'est-à-dire quel pays vraiment se doit exister. Quel pays construit son identité nationale sur l'idée qu'il y a cette, que la mer lui a été donnée de façon providentielle par Dieu, c'est ça, en ménage, et qu'elle doit conserver des blocs de nature sauvage. Alors, peut-être la Hollande, peut-être l'Angleterre, je ne sais pas. Quand on regarde la peinture hollandaise du XVIIIe siècle, on a des points de vue maritimes parfois, c'est-à-dire des combats maritimes. Oui. C'est pas forcément lié au littoral, peut-être pas dans ce que vous avez montré là, mais oui. Ça existe aussi. Oui, les scènes de grandes batailles, genre les pentes ou autres. Parce que là, c'est mettre en scène un morceau de l'histoire nationale qui s'est déroulé entièrement sur mer. Donc mais ça rejoint plus, l'idée que la nation tire gloire de sa maîtrise. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, dans les parcs maritimes, je ne sais pas si on va. Justement, si les lions ne peuvent pas aller. Parce que c'est ça aussi, nage, les parcs nationaux sont des blocs de cette nature sauvage qu'on conserve comme un trésor national. Mais en fait, des parcs maritimes. Oui, il y a des parcs naturels. Oui. Il n'y a pas des zones maritimes. Oui, ou des archipels. Comme les Reims. Ouais. Oui, il y a des zones littorales, mais quand même, le grand, enfin, pour les Américains, c'est la nature, c'est pas la mer. La nature, c'est la plaine, c'est la montagne, c'est pas la mer. Mais même en sortant de cette problématique d'identité nationale, en France même, je pense qu'on peut voir ce même récit de du passage d'une nature qu'on n'utilise pas, et qui, contrairement à la mer. Et qui ensuite devient ce lieu où on peut se ressourcer, où on y voit quelque chose, au-delà de juste de la wilderness américaine. Je trouve qu'il y a comme. Mais bon, c'est une réflexion de quelques minutes, donc je ne peux pas très élaborer, mais genre, c'est assez amusant de retrouver chaque fois ce même récit, du passage du dégoût à l'appréciation extrêmement positive. Oui, c'est vrai. Par contre, peut-être, est-ce qu'il y a des contre-exemples? Parce que c'est toujours l'histoire de la prise de contrôle, on est de mieux en mieux avec la mère, on arrive à affronter son dégoût, on l'aime, elle soigne, et puis on prend possession. C'est un récit un peu moderne, c'est-à-dire au sens du progrès, du progrès technique. Et est-ce que vous avez en tête quelque chose qui serait contre-exemple? C'est-à-dire, je ne sais pas, des usages de la mère qu'on n'a plus, par exemple, des formes de maîtrise qu'on n'a plus. Alors, c'est un peu bizarre de raisonner comme ça, mais c'est. Est-ce que c'est possible de voir ça différemment? Alors, globalement, c'est-à-dire quelque chose qui passerait de l'appréciation au rejet, je vois pas. En revanche, des pratiques qui se perdent, oui, ça c'est certain. Pour prendre un exemple, les pièges à poissons. Je sais pas si vous voyez ce que c'est les pièges à poissons. Bon, le plus souvent... Comment? C'est presque ça, en fait. En Bretagne, c'était des croisillons de bois qu'on mettait dans un creux. Et puis sinon, c'est, sur la côte atlantique, c'était des espèces de demi-cercles en pierre. Et le principe, c'était qu'on attendait que la marée monte, et puis quand la marée se retirait, et ben, les poissons étaient pris dedans, puis on n'avait plus qu'à les ramasser. Et bien, il se trouve que mon directeur de thèse, qui est de la Barre de Mont en Vendée, me disait que quand il était petit, ce qui nous ramène donc début des années 50, à Vénée, et bien quand il était petit, il y en avait encore de ces pièges à poissons en pierre qui restaient, alors qui étaient très très anciens, qui avaient plusieurs siècles, parce qu'effectivement, on les utilise dès le Moyen-Âge, les siens, ils avaient dû être plus récents, mais bon. Mais que ça a disparu, parce que les gens s'en servaient plus, parce que le tourisme a participé à leur dégradation. Or, le problème, c'est que ces pièges à poissons, ils servaient à ramasser des poissons, mais ils servaient aussi de protection, disons, empirique contre les invasions marines. Donc il servait à bloquer les ondes. Donc du coup, comme il n'y a plus de pièges à poissons, eh bien la côte est plus vulnérable. Ça s'est perdu. Voilà. Mais alors au-delà de ça, non, je vois pas. Peut-être il faudrait creuser qu'il y a des endroits où l'évolution est inverse, mais je ne vois pas. Ce qu'on disait sur les grands systèmes techniques créent de la fragilité. Alors, oui. Imaginez le recours systématique, par exemple, à la météo par radio. Réduit les capacités de réaction des marins, capacité d'action, et qu'en cas de panne de ce réseau-là, par exemple, on a des nouvelles formes de fragilité. C'est ce qu'on voit dans l'histoire des techniques, souvent, c'est intéressant ça. Le fait que le littoral change de fonction, il devient une fonction de loisir primordialement au XXe siècle, fait que la technique aussi qu'on a via le littoral est plus la même et plus adaptée. Moi, par exemple, j'ai des ingénieurs de littoral qui veulent faire des ports balnéaires dans un endroit pas adapté parce que c'est le bon endroit pour en faire un, alors qu'on a des siècles d'expérience. Oui, mais voilà, c'est souvent comme ça. Ouais. Qui sont une catastrophe, qui détruisent des plages alors que c'est censé être un port touristique. Donc, Donc en fait, la réassignation du littoral à d'autres fonctions fait que les techniques deviennent soudainement plus adaptées, on ne sait plus quoi faire et on a envie de notre enfant, on ne sait pas faire un port. Donc c'est étonnant, c'est ce que je vois. Oui, oui, je vois. Oui, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ça. Oui. Puis à l'inverse, la question quand même de la peur de la mère, elle ne disparaît pas au XIXe siècle non plus. Elle ne disparaît pas, effectivement. Si on lit Victor Hugo, oui, tout à fait, tout à fait. Des représentations très anciennes qui perdurent. Ah oui, ça perdure totalement. Oui, c'est ça, c'est des idées de deuxième découverte de la mer avec Cousteau, tous ces gens-là. Mmh. C'est là où on voit finalement les abysses. C'est là où voilà, c'est on a accès. Avec... De la mer. Oui, parce qu'on n'y avait pas accès avant. Voilà. C'est ça, c'est qu'on ne fait que deviner voilà. Ce qu'il y a dessous, mais voilà, c'est ça, c'est effectivement c'est très important ça. Mmh. Oui. Voilà, d'autres questions ? Remercie tous les participants et merci donc, beaucoup à vous. Frédéric Lager pour cette intervention tout à fait passionnante. Voilà, et donc on a rendez-vous le jeudi 15 mars pour l'intervention de David Moon.